Bonjour et bienvenue au podcast Mac Québec. Bien, bonjour, nous sommes mercredi 22 mai, il est 22h18, on est seulement 3 petites minutes en retard, donc rien de bien grave, et vous écoutez le podcast Mac Québec, le podcast sur toutes les nouvelles Apple au Québec, la communauté la plus dynamique Mac au Québec. Faudrait que tu me réécrives quelque chose pour okay. ça. Je vais te réécrire de quoi? Excellent! Script éditeur. Recherchiste. Oui, voilà. Avec moi, en fait, se joint Bernard, qui était avec nous il y a tout juste 15 minutes pour les amateurs de Mac. Bonsoir. Et je suis rejoint, en fait, de deux personnes que vous connaissez peut-être ou peut-être pas. Ici, j'ai Pierre Poulin. Bonsoir. Et François Bourdon. Absolument. Excellent. Tous deux de iClass. Donc, qu'est-ce que c'est iClass? Moi, je vous vois rouler depuis un bout de temps. Il y a éducation là-dedans, il y a Apple là-dedans. Vous faites ça d'une manière... c'est très, très inspirant ce que vous faites. Moi, quand j'étais à l'école, le professeur il répétait 10 fois. À deuxième fois, première fois, j'avais compris. C'était plate le reste du temps. J'ai l'impression que c'est là-dessus que vous travaillez et beaucoup d'autres choses. Ouais. Expliquez-nous, en fait, la genèse de iClass, c'est quoi? iClass, en fait, on prononce iClass. iClass, c'est simplement une école, une façon d'apprendre, une façon d'enseigner, comme on aurait souhaité peut-être l'avoir au départ. Okay. Dans le cas de François ou moi, là, c'est l'école rêvée. C'est ce qu'on aurait voulu peut-être nous connaître lorsqu'on était au primaire, secondaire. Okay. Cela dit, c'est facile à dire. Quand on n'a pas tous les outils qui nous permettent d'avoir peut-être une grande liberté, une grande marge de manœuvre. Là. Mais franchement, là, ces années-ci, il y a tout ce qu'il faut pour rendre ça intéressant. Mais c'est surtout aussi pour rendre ça peut-être plus facile. Puis de faire en sorte d'occuper justement les petits rapides qui saisissent vite. Ouais. Puis de venir en aide davantage, d'offrir une aide là, sérieuse à ceux qui ont de la difficulté. Qui ont besoin de cette 8-10 fois-là d'explication pour accrocher. Ça a démarré il y a combien de temps, iClass? Bien, iClass, le nom lui-même et la classe elle-même, c'est 2009. OK. C'est un projet pilote dans une école de Saint-Léonard au départ. Mm-hmm. Tu me disais en fait que là, en fait, ça a évolué. Donc, au départ, c'était ça. Maintenant, où est-ce que vous êtes rendu? Qu'est-ce que vous êtes devenu? En fait, moi, c'est plus dans les années 2000, là, quand je suis déménagé à Montréal. J'avais déjà commencé, j'enseignais à Toronto, à essayer de repenser, revoir la façon de faire. Mais mm-hmm. c'était des petits essais-erreurs, et puis ce qui fonctionnait, je le conservais. Mais je me suis rendu compte que ce qui fonctionnait souvent sortait des cadres habituels de l'école. Puis là, après des années d'expérimentation, j'ai réussi à convaincre mon directeur d'école à l'époque de dire ben, il y a peut-être quelque chose à explorer. Puis à ce moment-là, j'ai un cousin qui nous a fait un don d'ordinateur. Puis on s'est dit ben, si on essayait vraiment d'aller au maximum qu'on peut faire avec les ordinateurs qu'on recevra. Puis c'est là que François est entré en 2009 dans le projet parce que la direction a accepté de me libérer pour que je puisse en faire un doctorat. Bon, okay. C'était chouette de voir le sérieux de la chose. Là. Je voulais être certain que tous ces essais-là, c'était pas de l'improvisation. Okay. Fait qu'il fallait aller chercher une reconnaissance peut-être extérieure. Puis là, François a pris ma place dans la classe quand j'y étais pas, quand j'étais libéré à temps partiel. François a élaboré le projet en même temps que moi, dans le fond. Parce que lui, venait de finir presque le bac. En 2000, 2008. Bon, 2008. Alors c'était tout neuf, là, l'enseignement. Il y a une différence générationnelle entre vous deux. Vous avez probablement un 10-15 ans, je dirais, de différence. Un 10 ans, OK. Un 10 ans de différence. On va être doux avec Pierre. Donc, toi, tu baignais dans l'éducation. Lui, il arrive tout fringant avec sa formation. Je connais tout. C'est ça. Je suis le dernier formé. Je suis la crème de la crème. Ouais, bleeding edge. Puis le système a changé entre les deux, je pense. Ben, le, oui. Le c'est ça le bac. Le bac d'enseignement avait le bac, changé. En fait, le bac, la formation de Pierre était pas au Québec, était en Ontario. Non, c'était c'est ça. En Ontario. C'était en Ontario. Donc, il y avait une autre différence. Mais moi, j'ai pas connu la formation pré-réformiste, si on veut, là, avant 2000. Je l'ai connue donc après, une fois que la réforme était implantée. Puis moi, je viens de 10 ans de travail en multimédia, designer graphique. Et c'est quand j'ai rencontré ma femme aujourd'hui, qui était mon amie dans le temps. Et c'est elle qui m'a amené, dans le fond, en éducation, en maternelle. Je suis rentré par la grande porte de la maternelle en éducation. Changé de carrière, me suis en allé. Et donc, c'est ça, en 2009, je suis rentré avec Pierre dans la e-class qu'on bâtissait finalement. Et c'est là que tout a commencé, mais je ne suis pas arrivé avec je connais tout et j'arrive tout. Non, c'était mon désir, c'était ça, c'est d'arriver après 4 ans de formation qu'on critique beaucoup, puis que... Il y a quelque chose qui ne marchait pas, qui ne fonctionnait pas dans ce qu'on m'avait... Tu as été désabusé, puis tu t'es dit, oui, moi, je vais changer le système de l'intérieur. Oui, c'est ça. Je vais retrousser mes manches. Et comment y arriver, puis est-ce que c'est possible? Parce que quand tu arrives, puis que tu veux tout changer, puis que tu es le petit nouveau, puis que toi, tu arrives avec tes grandes idées, puis tu viens d'un domaine très innovateur, très créateur, c'était ça la base de ma job, moi, avant designer. Là, j'arrive en éducation, puis c'est non, tu suis manuel, puis t'as pas trop de bruit, pas ci, pas ça. Hey, le grand, attends une minute, là, tu vas voir, dans 4-5 ans, tu vas te calmer, parce que ton énergie, tu vas en avoir moins. Mais je suis désolé, mais 6 ans après, moi, j'ai encore de l'énergie. Moi, je suis la génération qu'à l'école, bon, on avait les tableaux noirs avec la craie, mais le multimédia pour nous, c'était qu'on nous branchait la télé et qu'on écoutait les Auréliens puis les Centours de Centours là, à Télé-Québec à 9h le matin. Ça, c'était ça. Le multimédia, c'était Traboulidon qui l'avait. Oui, c'est ça. Et voilà. Exactement. Là, ça a changé beaucoup. Maintenant, il y a des tableaux électroniques à l'intérieur. Il y a, bon, c'est sûr, il y a des tablettes. Il y a toutes sortes d'outils nouveaux avec lesquels vous travaillez, vous, là-dedans, là. Là, c'est sûr qu'il y a plein de profs il y a des gens qui sont plus allumés que d'autres comme professeurs pour faire participer, adapter leurs cours pour intégrer du multimédia. Mais vous intervenez comment là-dedans? En fait, c'est ça. Il y a le côté techno, il y a le côté tout ce qui est disponible, mais nous, on ne mise pas là-dessus parce que, mais évidemment, c'est bon. Vous ne misez pas sur le contenant, mais le contenu. C'est exactement, sur la façon de gérer ça avec les élèves, de rendre ça intéressant, de rendre ça motivant, engageant pour eux autres, de les mettre en action. Ça, c'est le numéro un. Les technologies, toutes ces bébelles-là, parce que c'est des bébelles, si on ne s'en sert pas comme il faut, ben ça finit par nous amener plus loin encore. Ça nous permet, ça nous ouvre un monde incroyable qu'on ne pouvait pas avant. Avant, on avait la télé, puis là, tu n'avais pas le câble dessus. Puis il n'y avait même pas de télécommande. Ben, c'est ça. Puis maintenant, là, cette semaine, il y a eu la tornade à Oklahoma. Tout de suite, on peut regarder ça en ligne, on peut en discuter, on peut voir s'il y a des gens qu'on connaît, ne serait-ce que sur Twitter, qui sont aux États-Unis, parce qu'on est connecté avec les limites. Mais en dehors de tout ça, il faut être capable de le gérer et être capable d'amener les élèves à être engagés dans tout ça. Puis dans tous ces outils-là, il y a des nouvelles façons d'évaluer. Je pense à un étudiant qui me disait, il n'y a pas très longtemps, au secondaire, il dit « j'ai pas réussi ma présentation orale parce que je suis timide ». Mais ils lui ont pas offert de se filmer d'avance, puis de se dire, ben regarde, plutôt que de le faire devant tout le monde, puis c'est pas tes mains moites là, qui vont faire en sorte que tu aies une bonne évaluation. Non. Mais non, mais c'est bien trop facile, tu peux le monter. Mais c'est triché, ça. En tout cas, ben nous autres, on doit tricher beaucoup dans la e-class parce que c'est nos façons d'évaluer. Et puis nos élèves, surtout, ils ressortent avec un sentiment d'être compétents dans ce qu'ils font. Puis les profs qu'on forme, ils se sentent compétents. Jamais, là, on va avoir une attitude ou leur montrer des outils qu'on n'a pas testé nous-mêmes. Ça, c'est ça, de la puis parfois, formation. Ben oui, il y a des outils qui sont nouveaux, mais si je vois que mon prof, là, il dit hey, « avec ça, j'aurais plein de possibilités », je suis pas là à lui dire « non, tu peux pas, c'est interdit, c'est go, vas-y, utilise cet outil-là, puis les autres, on s'arrangera pour que tu puisses y avoir accès ». Est-ce qu'il y a un mentor pédagogique? Là, moi, j'ai mes enfants qui sont au CPE, puis là, ils suivent une pédagogie spéciale, tout ça. Est-ce qu'il y a y a quelque chose, tu sais, y a-tu un pédagogue qui prône l'utilisation de la technologie dans le monde ou vous êtes vraiment innovateur là-dessus? Puis, ça se fait certainement ailleurs. Là. On est membre, François et moi, de groupes nationaux, internationaux, là, qui regroupent des éducateurs innovants qui utilisent des technologies. Il n'y a pas de mentor. Cependant, quand je t'expliquais que moi, ma raison pour pousser des recherches au doctorat, c'était de voir qu'est-ce qui est offert. Puis pour nous, la recherche, elle est bien importante, puis elle guide vraiment ce qu'on fait. Puis parfois, on va tomber sur des recherches qui sont contradictoires. Bien là, on va le tester nous-mêmes, puis on va voir ce qu'il y en a. Okay. Mais c'est un fait que, dans le fond, nos mentors, c'est surtout peut-être les élèves, on voit dans leur réaction, on le voit comment ils se sentent. Ils sont là le matin, François pourrait vous le dire. Il y a moins d'absence dans sa classe. Moins d'absence de pas là, mais moins d'absence de... Ah, oui, ouais, mais c'est ça. Ils ne sont pas endormis, ils ne sont pas endormants. Ils ont de la créativité et vont eux-mêmes nous proposer des outils parfois. « Ah, j'ai trouvé ça, M. Pierre, sur le iPad. Ou, est-ce que ça pourrait être un bon outil pour m'aider dans mes équivalences de fractions? » Ben oui, go for it. Vas-y. Moi, mon matin, je ne sais pas te dire « Ben non, c'est interdit. » Je le connais pas, il est 99 cents, je ne veux pas que tu l'aides. Ça va faire. Ouais. Alors, l'école ne changera pas tant qu'on ne changera pas cette attitude-là chez les profs. Puis c'est là qu'ils classent et nos formations entrent en ligne de compte. Il y a une bonne réponse. Est-ce qu'il y a aussi une bonne résistance? Avez-vous des détracteurs? On a certainement des détracteurs. Sûrement. C'est sûr qu'il y en a qui vont changer moins vite que d'autres. Mais de ce qu'on observe, ça donne le goût de changer puis d'amener les élèves ailleurs. Puis nos collègues, en tout cas, on a vraiment une belle équipe à l'école là, où on travaille et tout le monde embarque là-dedans. Tout le monde a sa façon d'amener ça. C'est ça, voilà. Il y a des gens qui sont moins... Qui ont moins envie. On les laisse tranquilles, c'est tout. Ils nous laissent tranquilles, on les laisse tranquilles. C'est ça, puis voilà. Finalement, ils finissent par voir que nos élèves sont heureux. En fait, il n'y a pas d'histoire comme on entendait auparavant. Là. Tu sais, les profs qui vont nous dire « ben moi, je ne vais pas sourire à mes élèves avant Noël parce qu'il faut qu'il y ait une discipline ». À un moment donné, là, ça va faire. Puis ça, c'est un des trucs qui est dans la recherche depuis très longtemps, particulièrement pour la motivation scolaire. Mais j'ai vu très peu d'écoles et de classes qui font vraiment appliquer la recherche au niveau de la motivation. Alors, tout ce qu'ils font, c'est les fameux petits papiers roses, puis les avertissements, puis des ci, puis des ça. Puis ce qu'on s'est rendu compte au fil des ans, François et moi, c'est que plus notre échelle de punition est élevée, moins on est pédagogue. Et moi, là, je regrette, mais je ne suis pas gardien de prison. Je suis enseignant. Mm-hmm. Mais c'est la shape. Je vais réduire. Ouais. Oui, mais je vais réduire ça. Puis je vais essayer d'augmenter davantage la pédagogie, les outils qui m'aident. Puis ce qui fonctionne, fonctionne. Puis ce qui ne fonctionne pas, il ne fonctionne pas. Et ceux qui ont le droit de déterminer ce qui fonctionne ou non, ce ne sont pas les techniciens, ce ne sont pas les conseillers pédagogiques, ce sont les enseignants eux-mêmes. Okay. Et ça aussi, c'est différent de ce qu'on voit. Et c'est une philosophie à changer, ça, parce qu'on nous impose des outils écoles, c'est ça qui est décidé par qui en haut, qui descend, puis qui dit « OK, vous allez aller porter ça dans les écoles et c'est ça que les profs vont utiliser. » Mais c'est pas adapté aux enseignants, c'est adapté... Ouais. C'est pas adapté à la réalité. C'est pas adapté à la réalité non plus. C'est pas « j'ai deux G.I. Joe, t'as trois Transformers, combien on a de... » Oui, bon, c'est ça. C'est des affaires, c'est des pommes, je m'en fous, là, tu sais, j'ai zéro intérêt à calculer ce que vous me demandez de calculer des parts de tarte. Ça aussi, en plus, affaires. Le type d'activité qu'on propose aux élèves, nous, ça nous permet d'aller beaucoup plus loin puis de proposer des activités qui permettent de la création, qui permettent les échanges, la collaboration, au lieu de chacun dans son petit cahier, puis tu fais ton texte, puis l'autre fait son texte. Combien j'ai d'élèves en troisième année qui vont corriger les textes des autres? Dans combien de classes c'est permis de se faire corriger par un autre? Non, c'est le prof qu'il faut qu'il corrige, parce que si c'est pas le prof qui corrige, tu triches. Dans la vie, là, c'est pas de même que ça marche. Un autre aspect aussi des classes qui me fascine, c'est souvent pour un exercice, je demandais aux élèves quelle note est-ce que tu veux avoir pour ton travail. Puis tu vas m'indiquer la note que tu aimerais avoir. Mm-hmm. Puis on va voir le travail que tu vas être prêt à fournir pour avoir cette note-là. À tel point que je l'utilise à l'université aussi. J'enseigne, dans, mm-hmm. je suis chargé de cours dans quelques universités. Puis avec mes étudiantes, parfois ça les saisit un peu. De dire, ah oui, vraiment? Moi, j'aimerais avoir un A. OK, ben alors, assure-toi de travailler suffisamment pour que je dise, oh oui, ça a une valeur de A, sinon ce sera moins, ou on baissera les... Mais le fait de faire ça avec les élèves, là, c'est une autre façon de les voir travailler. Puis, Responsabilise, en tout cas. Ça les responsabilise, puis on ne refuse jamais un élève de faire une reprise. Ah. Si un élève est insatisfait, il y a eu un C dans sa dictée, puis il vient voir, dit, Monsieur Pierre, est-ce que je pourrais la reprendre? Parfait, tu as une semaine. Jamais, quand ça vient d'eux, on va dire non, là, à moins d'avoir des contraintes de temps ou des notes à remettre. Mais tu te sens tellement comme si c'était la fin de ta vie quand ça arrive. Tu sais, comme j'ai eu « Hey, ta barouette, la note est poche. » Puis là, t'es comme « Gars, peux-tu la reprendre? » Moi, non. Ben, c'est ça. Comme... Si l'école était vraiment là pour aider, ils referaient repasser. Pour apprendre. Puis ils donneraient cette chance-là à ceux qui veulent l'apprendre. Puis c'est pas vrai que tout le monde l'apprendrait. Il y en a qui se limiteraient au minimum. Ben, OK, il se limite au minimum, mais il y en a qui foncent. Il y a peut-être du monde qui nous écoute et qui se disent ben, écoute, l'initiative provient sûrement d'une école qui coûte des milliers de dollars, ça vient de ça vient du privé, ça vient de l'alternative. C'est une école normale, c'est une école publique, en milieu défavorisé. En plus. Public, tout ce qui est plus normal. Grande proportion d'immigrants, okay. de parents immigrants. Et, ben, ma foi, ça fonctionne avec eux. Et puis, oui, c'est une initiative qui part d'une école publique, mais on forme beaucoup de gens du privé également dans nos formations. Alors, je trouve ça chouette. C'est un bel échange qu'on a. Vous défoncez les portes aussi. Je vous ai vu avec une petite plaque avec les petites fleurs de lys il n'y a pas longtemps en photo sur Twitter. Vous avez rencontré le ministre de l'Éducation, je pense, ça? En fait, c'était l'adjointe de la ministre qui nous a reçus pendant une heure okay. pour essayer de comprendre. Elle avait entendu parler de nous, il faut croire. Qu'est-ce que c'est que cette e-class? D'où ça vient? Puis, en fait, c'est une collègue qui a... Comment? Tu financé par Apple? Oui, c'est ça. Si seulement on était financé. C'est l'école qui finance, puis on a des dons, puis on se bat sans arrêt pour lever des fonds. Des campagnes de financement, gagne des concours. C'est ça. On bouge. On a tout fait en 12 ans. Là, j'ai tout fait dans cette école. Là, pour lever des fonds. Okay. Alors, bref, on est constamment là-dedans, mais c'est vrai qu'on peut avoir de l'aide extérieure. Il y a une énorme contribution de la direction de l'école, il ne faut pas se le cacher. Oui, ça, c'est... C'est elle qui détient la bourse, c'est elle qui dit où est-ce que les fonds vont aller. Alors, si on a besoin d'un appareil ou d'appareils supplémentaires, elle sait ce qu'on fait. Oui. La directrice comprend elle ce comprend, qu'on fait. Oui. Et ça, c'est d'une aide beaucoup. Incroyable. Elle vient de l'adaptation scolaire. Puis nous, dans le fond, e-class, c'est peut-être une adaptation scolaire pour tous. Puis elle saisit ce qu'on fait. Bref, c'est une aide énorme. Mais il ne faut pas baisser les bras parce qu'autrement, on ne peut plus faire rien réparer. On se retrouve avec des vieux appareils usagés. Bref, il faut vivre avec. Ça s'appelle e-class. Donc, clairement, c'est inspiré de Apple avec son i pour intérim CEO. Là. Ça provient de là, en fait. C'était pas Internet? en fait, pendant un moment, ils l'ont changé. Mais le premier i, c'est Steve Jobs qui est de retour en 97. Et ils ont dit c'est le iCEO parce que c'est le CEO intérimaire. Jusqu'à temps qu'au Macworld, ils viennent et ils disent... OK, je reprends les rênes, puis là, c'est la passe où est-ce que Bill Gates est apparu en arrière. Là. Oui. Il avait acheté la moitié d'Apple, je ne sais pas quoi. Là. En tout cas, il avait donné une couple de millions, mais c'était pour intérimaire. Et on a fait un concours, en fait, il y a quelques mois. On demandait aux gens, tous les produits qu'Apple avait sortis avec le i, il y en avait au-dessus de 40 coques. Là. Il y avait des trucs là, assez poussés, là, des vieilles affaires. Oui. Donc, clairement... Apple a inspiré le nom, mais en ayant visité une de vos classes, c'est des ordinateurs qui sont beaucoup là, c'est des ordinateurs qui sont très présents, autant au niveau des tablettes, des machines. Oui. Pourquoi? Pourquoi plus? C'est arrivé comme ça? Moi, en 2002, je voulais lâcher l'éducation. Je voulais plus enseigner. Okay. Je suis allé voir le directeur, j'ai dit « Écoute, je sais plus quoi faire. Voici des activités que j'aimerais faire. » mais j'arrive pas. J'ai eu beau avoir toutes les formations imaginables traditionnelles là, pour créer des sites web et tout ça, j'y arrivais pas. Là. Dreamweaver, là. Oui, j'en fais des cauchemars. Dreamweaver. Mm-hmm. Bref, le directeur a dit, écoute, non, c'est bien ce que tu essaies de faire. C'est vrai que c'est pas facile. C'est un milieu, bon, puis on est coincé avec les ordi qui ont été choisis par d'autres et tout ça. Je dis, ah, oui, ça, c'est une catastrophe. Alors, il y a deux choses que il m'a dit, qu'est-ce que tu veux pour rester? Alors, j'ai dit, ben. Une seconde, je pense qu'on a planté. On est en train de. OK. On est en train de reloader. Hey, c'est trop chaud, ça. Trop chaud. Et ton revenu, est-ce que c'est débogué? Je nous vois bouger. Mon système. Pouvons-nous continuer? Oui. Oui, je pense que oui, ça fonctionne. Il y a un délai, c'est pour ça qu'ils ne répondent pas tout de suite. Parfait, on peut continuer. J'ai vu beaucoup d'initiatives dans des écoles, surtout secondaires. C'est sûr qu'ils ont plus de moyens, pas secondaires, mais américaines. C'est sûr qu'ils ont plus de moyens, tout ça. Ils ont carrément des studios de télé, là, avec des régies. Des green screens, le kit. On parle d'équipements de plusieurs milliers de dollars. Et chacun a un rôle. Il y a quelqu'un qui va être caméraman. Il y a quelqu'un qui va être animateur. Il y a quelqu'un qui va être scripteur. Il y a quelqu'un qui va être réalisateur. Ils leur donnent chacun un rôle et ils produisent à chaque jour un bulletin de nouvelles, des nouvelles de l'école, de ce qu'est-ce qui s'est passé, soit la veille ou dans la semaine. Et je trouve ça super intéressant parce qu'en même temps, ça leur montre, bon, certaines disciplines, il faut bâtir une émission, on leur montre comment ça fonctionne, ils comprennent un peu comment ça se monte, une émission de télé, ça a l'air facile, c'est pas facile, j'imagine que c'était la même chose quand vous faisiez des émissions de radio, ça c'est pas instantané, ben, on n'ouvre pas le micro pour on dit n'importe quoi. Non, il fallait tout préparer, les textes et tout ça, puis ça justifiait de faire attention à la manière dont on s'exprime, parce que écoutez, les gens vont vous entendre, donc vous allez faire attention, soigner votre le langage, par exemple. Ou reste devant le micro, oui, ou des choses quand comme tu parles. Oui, c'est bon. C'est ça. Mais puis aussi, le fait qu'on ait des élèves, bon, à Toronto, c'est un peu la même chose, des élèves qui ont une autre langue que le français comme langue maternelle. Parfois, au micro, ça passait pas si bien parce qu'ils allaient trop vite pour parler, donc ils allaient faire un effort de prononciation. Donc, il a fallu que j'ai prépare des exercices qui, normalement, ne se font pas en classe. Mais je me suis rendu compte que ça développait leur intérêt. Le temps qu'ils préparent leur petite capsule de radio, je les entendais pas. J'étais pas en train de leur dire « Écris ton texte, dépêche-toi ». C'est non, ils me les amenaient des textes, puis parfois bien plus qu'un, parce qu'ils voulaient être certains. Est-ce que vous montiez des fois des reportages, on pourrait dire « Mon, toi, tu vas aller couvrir la partie de basket, tu vas nous faire un petit reportage là-dessus ». On a fait ça, on a fait ça. Nous, on a une équipe à l'école Wilfrid Bastien de flag football qui remporte des tournois et tout ça. Et on a fait ça il y a quelques années, où est-ce que ils nous envoyaient les résultats par téléphone. Ils m'appelaient sur mon cellulaire. C'était interdit, cellulaire, à l'école. Ils m'appelaient sur mon cellulaire, donnaient les résultats, puis nous, on les enregistrait en direct. En direct. On a eu aussi, on a eu à faire ça. Les élèves ont apprécié, au départ, aller interviewer des profs qu'ils avaient aimés quand ils étaient plus jeunes. Hein, j'étais en sixième année. Je leur dis, allez donc voir un prof que vous avez vraiment trouvé chouette, puis essayez de le convaincre de venir à la radio. Ça fonctionnait à tout coup. Le prof se pointait pour être avec ses anciens élèves, d'une part, mais ça, moi, ça me fournissait au niveau des entrevues. Parce que les autres profs étaient plus timides. Là. Ils se disaient, mais comment ça? Ça va être sur Internet, tout le monde l'entend. Mais là, on parle de 2003-2004. Ouais. Hein, c'est quelque chose. Là. Après, là, c'est devenu plus naturel. Je veux que vous me parliez de deux choses. La première, c'est le Headcamp auquel je suis allé vous rencontrer l'année passée. C'est une initiative qui est intéressante. Il y en a beaucoup dans le monde. Vous avez fait la version de Montréal. Oui. Parlez-nous un peu de l'événement. Qu'est-ce que c'est? De Headcamp? Je parlerai de Headcamp. En fait, Headcamp Montréal, il y en aura eu deux là, à date. Donc oui, c'est le premier Headcamp francophone en Amérique du Nord. En fait, dans une autre langue que l'anglais, on s'est fait damer le pion par la Suède. Et une journée avant nous, la veille, ils nous ont... Mais on a été enregistrés avant eux quand même. Bref, le premier Headcamp dans une autre langue que l'anglais. Grosso modo, comment ça se passe, c'est... Dans le fond, c'est plein de gens en éducation qui se ramassent à un endroit. Il n'y a pas d'horaire. Bien, il y a un horaire parce qu'il y a des cases puis il y a des locaux, mais il n'y a rien de rempli. C'est le contenu est donnée par les gens qui sont là. Donc, tu parles de ce que ça tente de parler. Moi, je me tente de parler de l'intégration des iPads dans la classe en mathématiques au primaire. Bon, ben ça se fait dans le local numéro 1 à 9h. Puis après ça, l'autre, ça y tente de parler de, je sais pas moi, la pédagogie classe renversée à 10h. Ben OK, on le fait. Puis fait que c'est ça, hein, et c'est riche. C'est des vraies journées pédagogiques où on parle, on échange sur plein de sujets, puis c'est vraiment, je veux pas trop m'étirer là-dessus, mais j'en aurais tellement à dire, c'est vrai. Puis là, il y a eu EdCamp Québec dernièrement aussi, qui est là, dans le fond, qui est organisé à Québec, évidemment. Il aurait pu nous inviter, on serait allé. Ben oui, je sais bien, vous vous inviterez. Oui, on essaie de le faire. Mais c'est ça, bref, c'est des journées où on essaie d'échanger pour changer le monde, finalement, de l'éducation. Puis ça se fait dans une atmosphère où tout le monde est sur le même pied d'égalité. Il n'y a plus de conseillers pédagogiques, d'enseignants, de direction, d'enseignants, de profs à l'université. Tout le monde a son idée, puis tu te ramasses dans une salle avec 10 personnes, puis tu n'as aucune idée qu'est-ce qu'ils font en éducation, mais ils sont en éducation, puis ils veulent changer le monde. Pour se soulager du fait que la Suède ait fait le premier en langue étrangère la veille de notre premier EdCamp, je crois que l'année dernière, ben, tu étais là d'ailleurs, oui. Alexis, c'était le premier bilingue. Oui, en anglais et en français. C'est vrai. À ma connaissance, tous les autres, il y avait Ottawa que j'ai un petit doute, mais tous les autres étaient en anglais en général. Oui. L'autre chose que je veux que vous me parliez, vous avez fait TEDx. Oui. Nice. Oui, quand même. C'est du monde comme brillant là, qui vont là puis qui t'explique comment on devrait comme aller. C'est quoi le futur? Comment on atteint les chars volants, les robots qui travaillent pour nous autres? Voilà, puis, c'est ça. Les overboards puis tout le kit. Oui, oui. C'est ça. Donc, c'était où? Ça s'est passé où? C'était un TEDx québécois? En fait, il y en a eu deux. Le premier que tu as organisé. Il y avait des TEDx à Montréal de part au départ. L'HEC, je pense, ça fait 6 ans qu'ils ont le leur. Puis en général, ce sont des TEDx qui sont généralistes. Alors, on parle de tout. Mais nous, c'est ça. Alors, moi, je suis allé pour la licence TEDx, puis on l'a organisé en 2012, puis je voulais qu'il soit consacré à l'éducation. Puis donc, on a eu la licence, puis là, on vient de renouveler pour 2014. Alors, un TEDx, où est-ce que j'invite des gens à poser leur candidature, puis on a un comité qui choisit 5-6 conférenciers qui vont changer l'éducation au Québec. Dans les 10 prochaines années, ce ne sera plus pareil grâce à ces gens-là. Okay. François, d'ailleurs, était un de nos conférenciers lors du premier TEDx, Wilfrid Bastien. Là, celui de 2014, les billets vont être en vente à partir de juin, mais on a quand même déjà annoncé des conférenciers pas mal intéressants qui vont être là. C'est une soirée, c'est une façon de d'entendre de nouvelles idées, de voir où est-ce qu'on s'en va, puis de choquer un peu le milieu. Tout le monde peut assister à Il conférence. S'agit d'acheter un billet, il y a 100 places. Même si on n'est pas du milieu d'éducation, mais absolument. On serait intéressé. Oui, absolument. Tout à fait. Il y a des parents qui achètent des billets, qui assistent aux conférences. Peut-être pour nommer là, quelques-uns, là, on va recevoir Yves Nadon, un de nos conférenciers, et Gilles de Royer, qui est assez connu dans le milieu également d'éducation. Alors, ces gens-là, ils vont être là à la conférence et puis ils vont faire part de ce qu'ils ont découvert dans leur expérience, de ce vers quoi ils croient que ça s'en va, l'école, ou quelle orientation ça devrait prendre. Je suis particulièrement fier d'avoir la licence EdCamp et TEDx sous la bannière e-class parce que ça... Aller à l'université et faire un doctorat, c'est bien pour chercher une certaine, pas reconnaissance, crédibilité. Une certaine crédibilité. Hein, oui, merci. Mais ça, c'est encore plus puissant. C'est encore plus fort. Et puis, c'est des marques quand même assez fortes. Absolument. C'est une vitrine. Et très reconnue et très sur le monde, finalement. Je ne sais pas si vous avez vu, il y a un petit garçon de 13 ans qui a été invité à TEDx. Il y a une dégaine de surfeur. Oui, il rentre sur la scène, puis il commence à t'expliquer. Il dit, les adultes, vous êtes drôles. Vous demandez toujours qu'est-ce que je veux faire plus tard, tu sais. Il dit, moi, plus tard, il dit, la réponse qu'on devrait donner, c'est, moi, je vais être heureux plus tard. Oui. Puis il part là-dessus, il a fini son truc, je braillais. Il était incroyable, le petit garçon. Puis, tu sais, c'est lui qui fait son école. Il dit, ça ressemble à quoi, ma salle de classe? Ça ressemble à un Starbucks, tu sais. Puis là, il y a son thé chai à côté de lui. Puis il dit, moi, plus tard, je veux peut-être avoir ma marque de vêtements. T'sais, dans tous les skaters connus, ils ont ça. Fait que je suis allé faire des casquettes au workshop du coin. Puis tout le kit, puis j'étais comme, attends, tu vas trop être un leader. Plus tard, toi, t'es président de quelque chose. Tu l'as, là. Tu as 13 ans, puis tu sais tellement où tu t'en vas. C'était c'était vraiment inspirant comme... Il y a la conférence aussi de, j'oublie son prénom, Zvitak, c'est le nom de famille. Zvitak. Oui, Adora. Adora. C'est sûr, c'est super facile, suivant ça le nom de famille. Là. Mais elle était jeune, elle a été invitée à TED également, puis c'est impressionnant, elle s'adresse aux adultes, puis je la fais entendre à chacun de mes cours à l'université, à mes étudiants, je leur fais entendre la conférence d'Adora, c'est particulier. Adora Zvitak, oui, effectivement, ouais. C'est... Excellent. Il y a même des gens que vous connaissez qui sont sur le chat avec nous en ce moment qui vous écoutent. Voyons donc, ben oui, Emmanuel Bernet. Hey, salut Emmanuel. À Shanghai, en Chine. À Shanghai. C'est lui qui nous écoute de là. On a des bonnes stats en Chine. Allô Emmanuel, j'espère que ça va bien. Sinon, des questions peut-être un petit peu plus tough. Puis bon, quand moi je suis allé au headcamp, évidemment, il y a eu un petit groupe de personnes. Je suis là pour Mac Québec, bon. Fait qu'il y a eu là, la discussion Android open versus Apple fermé et tout ça. Est-ce qu'il y a quelque chose à dire de ce côté-là ou pour vous, c'est juste une question de préférence, de facilité d'outils puis de pouvoir avancer avec ça puis ça vous rejoint si, pas Android? Ben, en fait, si tu me demandes à moi personnellement, moi je suis habitué puis avec l'environnement Apple puis moi, c'est ça la simplicité. Okay. Mais si quelqu'un arrive avec autre chose, c'est ça la philosophie qu'on a derrière Éclair, c'est de se dire on n'imposera pas ce qu'on s'est fait imposer, puis on va laisser le choix à l'enseignant, l'enfant de l'outil. Parce que ça va au-delà de l'enseignant, puis ça va au-delà. C'est moi, j'utilise ça, mais. J'ai des élèves qui arrivent avec leur portable Dell dans ma classe, puis il faut dire que c'est correct. Puis c'est correct. Okay. Il y a des affaires qu'il va se rendre compte qu'il y a des affaires que, oups, j'ai pas le logiciel dedans parce qu'il vient sur le Mac, puis je l'ai pas dans lui, puis je peux-tu l'utiliser? Ben oui, go. On se pose pas de questions. On le laisse aller avec l'outil qu'il veut. Mais la technologie, ça avance très vite. Ça peut changer sur un coup de doigt, vraiment un claquement de doigt. Oui. À Google, qui cette semaine, lors de la conférence I.O., a dit qu'ils s'en allaient dans le milieu de l'éducation. Ils vont développer un groupe pour l'éducation. Pour oui, tout à fait. C'est ça, il y a des joueurs dans partout. Dans 10 ans, peut-être, ça va être Google qui va prendre le marché puis qui va imposer ses produits et tout ça. Si, par contre, si on continue à fonctionner comme on fonctionne au Québec présentement, dans 10 ans, il n'y aura aucune école québécoise sur Google, ou très peu. C'est-à-dire, il faut changer cette façon de faire-là. Il faut arrêter de se batailler sur une histoire d'outils. Moi, ça me fait toujours rigoler. L'outil le meilleur, c'est celui que moi, je peux faire fonctionner. C'est la limite à ça. Puis je ne vais pas accepter que quelqu'un qui n'a pas un bac en éducation vienne me dire « Tu sais quoi, tu devrais faire ceci au lieu de cela. » Mais ça va faire. Mais tu me disais qu'un élève arrive avec un Dell. Toi, est-ce qu'il faut que tu saches ou tu vas enseigner à l'élève à aller « Regarde, tu ne l'as pas l'outil, parfait. Il va falloir que tu le cherches ou que tu utilises… » Comment ça fonctionne? Habituellement, il arrive avec sa machine, il arrive avec ses choses, avec ses outils. Lui, il en connaît déjà. Mais la plupart des outils qu'on utilise sont en ligne de toute façon. Okay. C'est quand on s'en va dans le plus spécialisé, comme quand on fait un podcast. Ben, moi, c'est GarageBand. Je n'utilise rien d'autre que GarageBand. Je n'ai essayé d'autres, puis j'ai des sueurs froides avec les autres, puis je suis à l'aise avec ça, le techno, là, mais GarageBand, moi, c'est ça. Il y a quelques années, quand j'ai fait quand on faisait de la radio, puis qu'ils ont vu, « Hey, c'est pas pire, ils mettent de la radio en 2004-2005, ils mettent de la radio en ligne. Wow! Viens, on va te former. » Alors, je m'en vais à la formation, et là, c'était Audacity. Ouais. Mais j'ai dit, « Pourquoi vous m'assoyez devant une console d'Audacity? » Ben, c'est parce que c'est la plateforme qu'on a choisie pour tous les profs. Alors, j'ai perdu une journée, et à la fin de la journée, j'ai dit, « Au revoir, je ne reviens plus ici. » C'est quoi ça? C'est ça. Mais ça m'a encore confronté à ça, de me dire, c'est l'outil qui me convient. J'en fais déjà. Mais Audacity, c'est la plateforme qui est open source. Quand tu regardes ces lettres, puis c'est complexe, ça te demande à un moment donné de devenir technicien sans de son. Là, tu sais, en fait, il est là aussi le problème. C'est quand c'est trop complexe, quand premièrement, le support, puis je suis sûr que c'est pas un manque de bonne volonté, là, mais le support, il est pas là. Le soutien technique n'est pas là. Je peux pas appeler quelqu'un et dire « Hey, là, je suis avec 28 de mes élèves, puis Audacity, là, comment je fais pour faire… » Puis même, il y a une enseignante cette semaine qui est venue me voir avec Audacity, puis comment je fais pour publier ça? Ben, il faut que tu l'exportes en MP3 probablement. Pour l'exporter en MP3, ça me prend le plugin un tel, puis le plugin un tel. Tu peux pas l'installer. Oublie ça. Non, oublie ça. La ah oui, tu ne peux pas l'installer. Ben c'est non, bloqué, ton c'est technicien. Bloqué. Ouais, c'est tout ça. Mais exact. Pour revenir à ça, donc l'élève, il arrive avec ses outils à lui. Les outils qu'on utilise sont en ligne, sont gratuits. Pas nécessairement open source, mais sont gratuits. C'est les outils qu'on utilise le plus. Mm-hmm. Nous, on en propose parce qu'on les connaît. Mais l'élève, lui, il en a. Mais L'élève a quand même le choix. S'il dit, moi, je connais Adobe Audition, par exemple. Puis qu'il l'a. Moi, mes parents m'aiment pas, j'ai une Galaxy 10, là, tu sais, mettons. C'est pas vrai, là. Si t'as une Galaxy 10 à 13 ans, tes parents t'aiment, OK? Un coup de 12 d'avance. Ouais, c'est ça. Mais donc il y a pas de problème avec ça. Par contre, il y a quand même des outils, des logiciels. Je te vois avec ton iPad mini. Il y a du apps là-dessus que tu utilises puis que tu tripes. Oui. Quand j'étais à Headcamp, moi, j'ai rencontré Steven Smith. Je ne veux pas me tromper. Steve Smith. Qu'on a interviewé. On n'a pas encore monté cette interview. Cette entrevue-là, on veut la diffuser. Mais lui, en fait, c'était super intéressant. Je me suis assis là puis il était en train de parler à d'autres éducateurs. Puis il disait, moi, j'utilise telle application, c'est super cool. Et les éducateurs qui étaient là, ah, merci. Je sais pas où chercher. Je sais pas comment chercher. Puis lui expliquait, il dit, ben moi, j'utilise ça, puis app gratis pour trouver des applications gratis. Puis ça. L'outil parfait là, dans une salle de classe, c'est l'outil que l'enseignant va soit réussir à faire fonctionner ou qu'il va aller voir son élève, lui expliquer, puis il va dire « Eh bien, bravo mon grand, continue. » Puis c'est aussi le même outil qui ne fera pas sentir le prof inutile dans sa tâche. Si on réussit à trouver des applications puis des outils qui font ça, là, les profs, ils vont y aller dans la technologie. Ils se sentent pas mis de côté. Puis en même temps, ben ils sont amusés par ce qu'ils voient. Puis peut-être qu'ils ont des enfants eux-mêmes. Puis ils voient ce que l'école traditionnelle apporte à certains. Alors donc, ils se disent, il doit avoir une autre façon de faire plutôt que de dire, mon élève, c'est un paresseux ou il veut pas travailler. Donnez-y du lithium. Ou je sais pas quoi. Ou du Ritalin. Du lithium. Ça veut pas dire que c'est pas utile. Juste regarder un logiciel comme eMovie, qui, on se dit, je m'en vais faire un voyage, ce sera le fun d'avoir un beau petit vidéo à présenter après. Puis là, tu te dis, ouais, mais ça a l'air compliqué, le montage vidéo. Puis quand tu t'y mets, là, vraiment, quand tu te dis, vraiment, je vais m'y mettre, là, puis je vais comprendre le logiciel, on ne demande jamais à quelqu'un d'apprendre le logiciel au grand complet. Non. On te demande, fais ce que ça te tente de faire. Puis si tu en joues un petit peu avec, finalement, c'est le fun. Ah, je peux faire un titrage. Ah, je peux faire ci, je peux faire ça. Puis après ça, une application, ça serait le fun que mes élèves ils fassent ça aussi. Je pourrais leur faire faire des petites vidéos, des petits trucs comme ça. C'est un ça. Petit pas à la fois, puis, finalement. On n'a pas besoin. L'enseignant n'a pas besoin de connaître tous les outils pour pouvoir l'enseigner ou permettre que ce soit utilisé dans sa classe. Je veux dire, on connaît tous des profs qui n'étaient même pas capables de faire fonctionner un compas comme il faut. Puis bon, ils enseignaient ou les élèves le montraient entre eux. Il y avait une stratégie pour pallier à ça. Au début, les gens, on leur montrait PowerPoint. Par exemple, non, PowerPoint, ça va prendre quelqu'un pour monter mes... À cette heure, tous les profs, là... Ben oui, ils sont... PowerPoint, c'est rendu, là. C'est n'importe quoi. C'est ancré, simple. C'est ça. Mais c'est ça. De là aussi, l'importance, puis c'est là que e-class, on essaie aussi d'amener ça éventuellement. C'est-à-dire de créer un réseau d'enseignants innovateurs, d'enseignants qui veulent changer les choses, puis qui veulent utiliser les technos, puis qui veulent aller plus loin. Puis en ayant des références, puis en sachant à qui demander, ben ça devient plus simple. Il y a des groupes sur Facebook, il y a des groupes sur Twitter, évidemment, mais de réussir à échanger sur des applications, puis de se dire, ben celle-là, je l'ai utilisée, ben écoute, prends celle que tu veux des deux. Oui. Moi, j'installe toujours deux ou trois applications qui font la même chose, à la même affaire. Puis c'est les élèves qui choisissent. Dernièrement, c'était le développement des solides. J'en avais trois d'installés sur les iPads dans la classe. Puis les équipes, même dans les équipes, il y avait un iPad par équipe de quatre élèves. Et les élèves changeaient d'application, d'une application à l'autre, selon c'était le tour de qui a développé le solide. Fait qu'il faut ça aussi laisser cette liberté-là. C'est pas tout le monde en même temps la même affaire, pareil. Puis ça, c'est une liberté qu'il faut se donner. J'entends, en fait, dans votre discours qu'il y a une grande, grande ouverture. Il n'y a pas de glorification d'une plateforme ou d'une autre. Tout le monde est le bienvenu. Qu'est-ce que vous pensez d'une initiative comme, par exemple, Jean Heude qui a lancé des projets pilotes? Tous les élèves doivent avoir une tablette en rentrant? Est-ce qu'on risque de tomber dans la surtechnologisation ou... Moi, là, si vous m'enlevez tous mes outils techno, je vais continuer à enseigner comme si j'étais dans une e-class. OK. Ce sera avec des manuels, mais ce sera complètement différent de toute façon. OK. Ce sera arrangé de cette manière-là. J'aurai probablement pas le même manuel pour tout le monde. Mm-hmm. Je vais peut-être en avoir 10 exemplaires. Mm-hmm. Je vais jouer à travers tout ça. Puis je vais faire en sorte d'aller toucher le plus possible les... pas juste les connaissances. Puis, puis c'est pas juste la mémorisation que je vais vérifier chez mes élèves. Je vais voir plus loin que ça. Sans les outils. Alors, ça répond un peu dans la mesure où est-ce que c'est nécessaire d'avoir, d'équiper tout le monde comme ça sans avoir pris soin de préparer les enseignants? Je crois pas. En tout cas, encore une fois, c'est ce que nous, on fait, c'est qu'on prépare les enseignants, puis c'est ce que certaines directions d'école font quand elles nous embauchent. C'est-à-dire, j'ai acheté ce matériel-là, mais... Vous allez accompagner comment? Non, mais je viens de me rendre compte qu'ils ne savent pas tout comment l'utiliser. Voilà, voilà, c'est voilà, là, voilà. On en parlait avant la diffusion des études qui sortent et qui disent « Ah, finalement, l'iPad, c'est peut-être pas la mer à boire, puis ci, puis ça. » Mais finalement, au bout de la ligne, c'est quoi qui fait que c'est pas un bon outil? C'est la façon dont tu t'en sers. C'est, si je prends un marteau et que je fesse avec le mauvais bout, le clou, va falloir que je tape longtemps. Je pense que c'est un petit peu ça. Là. On peut dire qu'il y a des manuels scolaires qui sont pas mal, pas du tout la mer à boire depuis longtemps. Non, non, ça, c'est clair. On peut fournir un poêle et une casserole à quelqu'un et tu dis ben, c'est, voilà. Mais si tu n'as pas les recettes, là, tu peux pas, ils vont les manifester avec. C'est ce qu'ils vont faire. Voilà. C'est cuisine, mais je te donne pas les recettes ou je te montre pas comment faire à non, manger. Non, mais c'est ça. Il faut savoir comment. Pas juste savoir comment se servir de l'outil, savoir comment, oui. Là on se parle, quand on parle dans une classe, savoir comment enseigner, comment amener son élève à aller plus loin et à surpasser. Le plus bel exemple de ça, qui s'est peut-être pas bien préparé, c'est qu'on entend souvent, ah oui, mais là, ils vont copier. Là, c'est de la copie. Mais chez nous, c'est pas de la copie, c'est de la collaboration. Ils collaborent, ils s'entraident, puis notre évaluation est faite de façon à ce qu'ils ne puissent pas nécessairement copier. Mais par contre, il y a aussi de l'évaluation qui se fait en groupe. On n'a pas inventé ça, là. Ils font ça à l'Université de Chicago en médecine. Ils font faire des examens en équipe. Puis ils se rendent compte que les étudiants apprennent davantage lorsqu'ils ont eu les informations. Ils ont conversé entre eux, échangé, que s'ils l'avaient fait individuellement. Fait que nous, on applique ces choses-là dans la e-class. Oui, parce que de toute façon, dans le milieu de travail, tu vas monter une équipe constamment. pour créer un jeu. Mais tu vas voir un designer, tu vas voir un programmeur. Qu'est-ce qu'ils font? Ils se réunissent en équipe pour dire... OK, on va faire une histoire, on va aller de A à Z. Toi, tu vas faire ça, toi, tu vas faire ça. C'est toujours le travail d'équipe dans le milieu de travail. L'école veut connaître les meilleurs, mais les meilleurs dans ce qu'elle décide qu'elle va évaluer. Donc, si toi, tu es un enfant, un garçon, une fille, puis tu as la chance d'être évalué, tu as la chance que l'école évalue des éléments pour lesquels tu as du talent, tu vas avoir une belle vie scolaire. Mais si par malheur, tu as du talent dans quelque chose dont l'école ne tient pas compte, tu es fait, tu es foutu. Mais c'est ça le système qu'on a actuellement. Puis moi, je me souviens d'avoir eu des élèves qui étaient peut-être faibles en français ou en maths, peu importe, mais qui avaient un talent en dessin. Puis je disais, toi, tu vas être le caricaturiste pour le journal. Nice. Okay? C'est pas compliqué, j'ai rien inventé, là. Ça s'est fait, puis ça s'est fait pendant des années, puis il y a plein de profs qui font ça. Bien, il faut que ça se fasse davantage. En fait, il faut que ça devienne la norme dans nos écoles maintenant. De dire, je vais essayer d'introduire des choses à évaluer qui font en sorte que l'élève ne se sentira pas... comme un bon à rien dans tout. Parce qu'à un moment donné, il y a toujours bien des limites de supporter ça. Là. Et messieurs, j'avais dit que ça prendrait de 15 à 20 minutes. On est maintenant à 45 et j'ai aucun problème avec ça. Okay. On pourrait faire 2-3 autres émissions On va en faire un podcast isolé, tiens. On pourrait en faire une émission spéciale ou un troisième podcast. Exact. Juste avant de partir, Pierre, je sais qu'on t'a donné accès... En fait... Quand je suis allé à EdCamp l'année passée, quand j'ai vu ces professeurs-là dans la classe, quand j'ai vu Steve en avant leur donner « Hey, j'ai telle application que j'aime bien, j'ai telle application que j'aime bien », là, je suis sorti de la classe et j'ai dit « Eux autres sont excités d'avoir eu des applications aujourd'hui. Y a-tu comme pas de système? » Quand tu sortes du site, y a-tu... Puis t'as dit, y a des groupes sur Facebook, y a des trucs qui se fabriquent. Mac Québec veut un peu faire sa part là-dedans. Puis je sais qu'on t'a donné accès à quelque chose qu'on veut lancer, qui est un espace... collaboratif, en fait. Oui, oui, oui. Un petit jardin gardé pour les gens en éducation qu'on va lancer éventuellement. Peux-tu nous dire deux petits mots à propos de ça? Bien, c'est François, en fait, qui l'a testé parce que toi, tu es allé sur le site. Je suis allé sur le site. Ben, pour l'instant, en fait, c'est... J'ai vu l'invitation. Par l'entremise de Kim Auclair qui a envoyé ça, qui a créé ça. Pour l'instant, il n'y a pas beaucoup de gens parce que là, ça commence. Ça commence. C'est sur Crowdbase. Oui. Et donc, ce sera un... À ce que j'ai compris, là, ce sera un rassemblement d'enseignants qui est Mac Éducation. Mac Éducation, en fait. T'aimes Mac... la plateforme Apple, t'as des outils à présenter. Puis éventuellement, on veut essayer d'avoir de la bonne information là-dedans, soit pour du contenu sur Mac Québec, ça c'est certain. On veut qu'il y ait un endroit où eux peuvent discuter. Puis moi, je suis parti sur la prémisse qu'il n'y en avait pas. Là, tu t'ouvres un site web, tu fais des recherches d'éducation, tous les sites web que tu ouvres ont tous l'air d'avoir été abandonnés en 1992. C'est lettre, ouais, ça a tout l'air d'être fait sur GeoCities. Tu ouvres ça, puis tu fais comme... Oh! Tu fermes, tu veux passer à autre chose. C'est ça. Puis pour trouver les perles que tu as besoin à travers ça, il faut que tu cherches en tabarnouche. Donc, moi, je me suis dit, donnons-leur une cour, t'sais, allez à la récréation là-dedans, donnez-vous, parlez-vous. Puis éventuellement, il y a peut-être d'autres choses parce qu'il y a des parents à la maison qui vont vouloir éventuellement utiliser les outils qu'ils ont offerts à Noël. Je suis content que tu en parles parce qu'on offre des formations parents-enfants maintenant, une classe. Oui. Excellent. Alors là, on en a une à Montréal, une à Québec. Okay. Parents-enfants, ça veut dire qu'ils passent une journée avec nous, ils vivent comme s'ils étaient dans la classe. Puis à la fin, on leur propose plein d'outils. Voilà. Ils apportent leur matériel à eux. Si tout est bloqué à leur école, à la maison, je peux te dire qu'ils vont être pas mal débrouillards pour s'aider dans leurs travaux. Donc le parent peut être comme un peu un professeur. Ouais. Il prolonge ça à la ou maison. Utiliser quand même les mêmes outils. Juste comprendre ce que son enfant fait avec mais l'enfant. Souvent les parents, le grand questionnement, c'est je comprends pas ce qu'il fait. Là, il est sur l'ordinateur, mais je sais pas ce qu'il fait. On essaie de donner des outils, puis on veut pas que ce soit le parent ou l'enfant, on veut que ce soit les deux ensemble. Puis comme c'est bien indiqué sur le billet parents-enfants ou grands-parents-petits-enfants, parce qu'évidemment, on a interagé depuis plusieurs années chez nous. Et on a décidé d'envoyer ça à l'extérieur de l'école maintenant, Interange. Puis c'est peut-être un bon choix là, de nous avoir invités sur Mac Éducation parce que je crois, à moins de me tromper, vous me le direz, il y a des auditeurs qui entendent, là, qu'on est la seule classe au Québec à être sur Second Life. On a des locaux sur Second Life. Donc, dans un monde virtuel, nos chandails, vous pouvez avoir un T-shirt gratuit sur Second Life. Vous pouvez aller dans nos locaux. Je fais du soutien avec mes étudiantes à l'Université du Québec ou à l'Université de Montréal ou à l'Université d'Ottawa, dans les trois universités où j'enseigne. Donc, on est là, on discute. Puis je peux vous dire que autant il y a des étudiants qui trouvent ça formidable, autant il y en a qui détestent. Non. Mais il reste qu'il faut l'essayer. On essaie de développer partout. Voilà. Je crois pas qu'il y ait d'autres écoles primaires. Je vous mets au défi de faire iClass sur Minecraft bientôt. Sinon, je fais tout le temps ça. Je fais souvent ça, ça me dérange pas. Je vais m'inviter à une de vos formations parents-enfants. Histoire de ne pas payer pour. Puis, on va faire un article sur Mac Québec. On va aller vivre l'expérience. Puis, on va faire un article sur Mac Québec. Je pense que ce serait bien intéressant. Puis, que les parents seraient vraiment intéressés d'avoir cette ressource-là. Puis, de savoir que ça existe. Absolument. Absolument. Sinon, messieurs, c'est la norme. On demande à tout le monde où est-ce qu'on peut vous retrouver sur les internets. Donc, Pierre Poulin, où sont tes adresses? Sur Twitter, P Poulin, oui, sur Twitter. Il y a ppoulin.com, mon site. Puis il y a notre site aussi. eClass.com, qui est le site, évidemment, eClass. Moi, sur Twitter, à commercial François Bourdon. Pas de cédille. Pas d'espace. En un mot. Tout en minuscule. Mon site web de classe, hyperclasse.com. Donc, H-Y-P-E-R, classe.com. Et puis, voilà. Qui s'occupe du compte Twitter eClass? C'est moi. OK, excellent. Enfin, ouais. Donc, c'est un autre endroit où on peut vous retrouver. Oui, c'est vrai. On a un commercial eClass. On est sur Twitter, évidemment. Ouais. Parfait. Merci et beaucoup. Sur Facebook aussi, comme ça, juste sur Facebook aussi. Il y a beaucoup plus de monde sur Facebook en plus. Écoutez, messieurs, si vous voulez rester avec nous, il n'y a pas de problème. On va laisser la place aux chroniqueurs habituels. Oui, vous serez invités à venir. Vous prenez le micro si vous avez une intervention à faire. On va parler des nouvelles Apple de la semaine. Il y en a beaucoup. On a pris beaucoup de temps. On va finir tard, puis c'est pas plus grave qu'il faut. Donc, merci infiniment d'être venu. Merci à vous. Merci à vous. On va essayer. On va regarder le nom, ça c'est évident, puis on vous recevra d'ici un an pour voir où s'en est rendu tout ça, si vous avez pris possession du monde de l'éducation, puis amener ça à un nouveau niveau. Merci beaucoup d'être venu. Fait que les gars, vous pouvez prendre place. Pendant ce temps-là, en fait, je vais vous passer une petite publicité. Besoin d'aide pour votre réseau informatique? Faites appel aux experts de ClickPom, entreprise spécialiste en solutions informatiques des produits Apple. Que vous soyez un professionnel ou une entreprise, ClickPom peut vous aider dans l'intégration, le déploiement et le support de votre parc informatique. Visitez notre site web pour plus de détails au www.clickpom.com. ClickPom, le meilleur de la pomme sans les pépins. Merci d'être encore là. Avant de continuer, en fait, on va aussi remercier nos généreux commanditaires, ceux qui collaborent avec nous pour nous aider dans ce qu'on essaie d'entreprendre. Ça veut dire que c'est un autre pub que je dois enregistrer, ça? Ouais, effectivement. Donc, on remercie ClickPom pour le local et Coop UQAM pour l'aide à l'équipement. On remercie aussi pour un grand événement qu'on essaie de monter pour le 10 juin. On remercie l'agence Web ReptileTech qui se spécialise dans le web interactif et les solutions multiplateformes. Vous pouvez avoir plus de détails en visitant leur site web au www.reptiletech.com. Et par... T'es-tu prête? Vas-y, je te laisse aller. T'es pris? OK, je vais y aller. J'ai pas le texte. Parfait. Et par Vidéo et boutique Sex Plus qui opère 12 boutiques où les hommes, femmes ou couples en quête de plaisir pourront retrouver une vaste sélection de DVD osés, accessoires de fantaisie et lingerie irrésistible. Les boutiques sont situées à La Salle, Châteauguay, Saint-Jean-sur-Richelieu, Longueuil, Saint-Hubert, Repentigny, Joliette, Trois-Rivières, Saint-Alphonse-de-Grimbé, Saint-Antoine, Saint-Hyacinthe et Drummondville. Pour plus d'informations, rendez-vous au www.sexxxplus.ca. Et les boutiques vidéo et boutiques Sex Plus lancent un nouveau concept qui est Sex Plus Party. C'est en fait des rencontres à la maison qu'ils vont faire pour vous présenter leurs produits. Donc, des démonstrations. Exactement. Sinon, ben, comme je le parlais, en fait, on peut parler un petit peu de notre couverture le 10 juin qui s'en vient. On envoie Vincent à San Francisco. Il va être dans la salle. On a réussi à avoir un billet. Pour lui. Puis il faut dire que, bon, oui, on envoie Vincent là-bas, c'est pas pour rien, parce que nous, on fait un événement spécial. On va couvrir l'événement. À Apple, on va être plusieurs. Ouais, Apple, présent, faites pas une diffusion web, là, ce coup-ci, là, on aimerait ça. Donc, on est passé de 600 à 200 auditeurs la dernière fois, là. C'est moins drôle. Ah oui? Oui. On a quand même eu 200 personnes qui nous ont écoutés. C'était quand même assez impressionnant. Je pensais, tu sais, quand Apple, le matin... on organise ça depuis un mois, on s'en va dans le local. Apple annonce, ouais, on fait ça sur le web. J'étais comme, ah non, on va être deux. Le gars qui anime avec moi, il sera même pas là. Non, c'est ça, c'est comme... Donc, voilà. Donc, on espère, en fait, c'est la conférence développeur. On va tout savoir ce qui sort avec iOS 7, avec macOS 10.9, Grumpy Cat, Domestic Cat, on ne sait pas encore ça va être quoi. J'espère que ça va être la dernière version avant OS 11. J'aimerais ça là, qu'il y ait comme une bonne refonte, puis j'ai l'impression que Johnny Ive peut faire ça. Bref, donc voilà pour notre WWDC. On a des concours, je pense, sur Mac Québec en ce moment, c'est possible? On a la carte cadeau de 75$ de iRepair Montréal. Oui, donc vous pouvez toujours participer à ce concours-là. Et le prochain concours, si je me trompe pas... C'est-tu ce qui est dans ton bureau? Oui. C'est ça? Oui. OK. Apple TV. Apple TV. Boom! Apple TV 3 gagné pour prochain concours. Donc, voilà, c'est facile de participer, en fait. Vous allez sur le site de Mac Québec, vous tapez concours, vous allez trouver, en fait, c'est quoi le dernier concours Facebook pour iRepair. Facebook aussi. Kim le republie assez souvent. Voilà. Sinon, messieurs, segment kudos, coup de 12. Je sais que tu avais préparé de quoi. On y va rapidement, Jean-François. J'en ai deux. Laisse-toi aller. Le premier, c'est... mon premier coup de 12, c'était à l'UDA. À l'Union des artistes, qui a mis en demeure, pour ceux qui sont sur Twitter, qui connaissent le compte de Tita Bougon, qui est la... Mame Bougon d'un Bougon. Ils ont mis en demeure Mme Bougon cette semaine, parce que le compte de Mme Bougon a disparu de Twitter la semaine passée. C'est ça? Mm-hmm. Oui, on se demandait pourquoi. Et aujourd'hui, dans le journal Métro, on a Judith su Lucier. Pourquoi. Ouais, Judith Lucier, merci beaucoup. On a su pourquoi ils ont mis le compte Twitter en mise en demeure. Enfin, ils ont mis la personne derrière le compte. Oui, c'est ça. Parce qu'ils ne savaient pas c'était qui. On ne sait pas c'est qui. T'es en demeure. Ils ont envoyé en DM, tu dois donner ton adresse, quelque chose, on t'envoie une mise en demeure pour fermer le compte parce que tu n'as pas le droit d'utiliser le personnage de Tita Bougon. Mais je m'excuse, là, mais il y en a assez des personnes qui font la même chose avec d'autres personnalités qui n'existent pas, que c'est des noms fictifs. Il y a eu pendant tout un bout, en fait, tout le cast de Mirador qui était sur Twitter. Je pense qu'ils sont plus là, eux autres. Non, ils ne sont plus là. La série s'est terminée, mais ils ne sont plus là. Il y a eu à peu près 18 constables 728 qui sont popés quand elle a commencé à faire ses niaiseries avec une espèce de rôle typique de personnage qui engueulait tout le monde, tout ça. Donc, c'est une satire. Et habituellement, en fait, ben ça peut pas embarquer dans la loi. Par contre, le personnage de Mme Bougon était tellement bien interprété, tellement proche de la réalité avec un tu sais, elle aurait pu continuer à écrire le personnage, cette personne-là. Mm-hmm. Elle le faisait vivre et elle se prononçait sur des sujets d'actualité probablement comme Mme Bougon l'aurait fait dans le show, si le show avait continué. C'était rien de méchant envers là, des personnes en particulier. Là. C'était des situations là, de nouvelles là, qui touchaient l'opinion publique québécoise. En tout cas, à mon sens, à moi, là, la plupart de ces tweets n'étaient pas méchants. Elle pouvait écorcher des fois, elle pouvait twister des affaires, mais c'était brillant, c'était jamais... C'est jamais méchant, c'est ça l'affaire. Non, c'est sauf qu'elle recevait beaucoup de messages que le monde... Ah, ben là, pourquoi tu dis ça? C'est méchant de dire ça. Chris, t'es incapable de suivre. Non, mais c'est une blague en partant. Oui, c'est une blague, mais c'est ça, exactement. Dans le personnage, tu sais, c'est... Le personnage aurait dit ça, aurait fait cette blague-là, si ça avait été le vrai personnage. C'était dans le contexte, mais effectivement, si t'aimes pas ça... Tu sais, il y a comme le conte d'Happy Gilmore. C'est pas Adam Sandler qui est en arrière, là. C'est un nowhere qui est un Canadien qui aime le Canadien de Montréal en plus. Là, j'ai su pendant une série, là, je savais pas. Mais il y en a plein, là. Fait que... Donc, on sait pas pourquoi et au nom de qui l'UDA a fait non, ça. On sait pas ça. Il y a une interview qui est ressortie il y a quelques jours sur les médias sociaux de Louison Dany. Qui est l'actrice qui interprétait le personnage. Et bon, il y a eu du monde qui sont proches de Louison Dany qui ont dit ça l'indisposait qu'il y ait un personnage comme ça. Et il y a une bonne raison à ça. C'est qu'il y a des gens qui, un peu, là, c'est le syndrome de la mère d'Aurore. Il allait engueuler Louison Dany pour des affaires que Mme Bougon, le personnage satirique sur Twitter... faisait comme Séraphin. C'est exactement. C'est sûr que la dame en tant que telle, qui est pas sur Twitter, qui veut pas, ce rôle-là est en arrière d'elle, commencer à recevoir ça, je peux comprendre. Bon, on n'a pas fait le lien entre les deux, mais t'sais, parce qu'on est en 2013, là, réveillez-vous. Oui, mais c'est ça. Louison Dany est une excellente actrice. Le conte est rendait le monde heureux. Ben oui. Je veux dire, t'arrêtes pas ça. Il y avait 10 000 personnes qui la suivaient. Savez-vous, tu sais, 10 000 personnes là, sur Twitter là, au Québec, là, c'est quoi en tabarouette? C'est quelqu'un, là, bon. C'est l'équivalent de Kim Auclair, à peu près, là, 9 000 là, ou quelque chose comme ça. Ouais. Fait que, bon, tu sais, du jour au lendemain, Kim Auclair, sous une mise en demeure, ferme ton compte, là, va faire travailler en tabarouette. Parce que à ce compte-là, là, tu sais, on parodie quelqu'un. Oui. L'UDA, vas-tu poursuivre Éduc Réa Laflaque parce qu'on fait plein de personnages? Tu sais, c'est pas le vrai maire. Ouais, je sais pas. C'est pas le vrai maire La Bombe. C'est pas un personnage issu d'une série artistique, là. Tu sais, le maire La Bombe ou bien. Non, mais je veux dire, mettons qu'il parodie un acteur ou un animateur, bon, qui serait membre de l'UDA, à l'intérieur de Éduc Réa Laflaque. Ça marchera jamais parce qu'il y a une jurisprudence là-dessus. Mm. C'est de la parodie. Tout ce qui est parodie, c'est protégé par la loi. On sait par contre que la compagnie de production n'était pas contre et on sait que François Havard n'était pas contre. Non, donc c'est les personnes qui ont les droits sur les personnages qui ont mettons que la personne qui opérait le compte Twitter restait à Ottawa là, mais quelque part d'autre en Ontario, mais qu'est-ce que l'UDA aurait fait là? Ça n'a pas juridiction ça en Ontario l'UDA? Je sais pas. Ben, mais il y en a eu un nouveau compte de Mme Bougon qui a été créé cette semaine. C'est vrai? Oui, il y a eu un nouveau compte de Mme Bougon. Marie-Claude a retweeté, plusieurs personnes l'ont retweeté. Je l'ai suivi. Puis le compte n'est plus là depuis ce matin, depuis qu'ils ont envoyé la mise en demande. Parce là, mais je n'ai vu d'autres aussi, Madame Coucou. Ouais, mais il y a Madame Coucou, il y a même son mari de Madame Bougon, là, comment il s'appelle, Rémi Gérard. Ah, il a tout le temps, oui, mais il a tout le temps été là, il parlait moins, lui. C'est lui, il parlait moins. Ouais. Mais ben, excellent coup de dose. Maintenant, les gens qui sont encore avec nous à 23h23 sont là pour de la nouvelle. Et c'est ce que nous allons leur donner. Ils sont là pour le Mac, parce que là, s'il y en a qui tombent direct, on se dit, de quoi qu'ils parlent? C'est pas un podcast de Mac. Attends, Jean-Michel, il y a un coup de 12, là. Oh. Ouais, j'aurais un petit coup de 12 à faire à Amazon.ca et son service Prime. J'ai acheté aujourd'hui quelque chose de différent. Là, d'habitude, j'achète sur Amazon des petits accessoires à 20-25 $. Là. Mais là, aujourd'hui, j'ai acheté une... comment qu'on appelle ça en français? Un UPS. Un UPS là, pour brancher les ordinateurs, okay. Un genre de batterie de secours là, pour les ordinateurs. Alimentation de secours. Oui, et puis on m'a donné comme raison pourquoi mon achat n'était pas admissible au Service Prime que l'item était trop gros et requérait comme une manutention spéciale qui est totalement pas le cas. Là. C'est une boîte. Là, comme... Ça pèse mais c'est vrai que ça pèse lourd, là. On s'entend là-dessus, sauf que... Quand tu t'es abonné à Prime, c'était pas écrit genre sauf les cossins lourds que sauf tu vas les cossins commander. Lourds que ça se pourrait que tu commandes une fois là, ça me donne ben ou bien tu mets non accessible à Prime, tu sais directement. Ouais, mais là puis sur la page, il y a toutes les affaires, il y a le logo Prime, il y a tout le kit. Il y a peut-être une règle à Post Canada ou dans les transports que un colis ne doit pas peser plus que tant de kilos. Ouais, ben, je pense que c'est 25 livres chez Purolator. Ouais. En haut, peut-être qu'ils sont bloqués. Il y a peut-être à cause des compagnies de transport. Ouais. Je l'ai acheté. Il a été envoyé par UPS quand même. Ouais. Ah. Mais la seule affaire que je peux trouver pour expliquer, c'est qu'il part de Nouvelle-Écosse. Il part pas de l'entrepôt Amazon en Ontario. Là, donc okay. Ça doit être pour ça la raison, mais je trouve ça niaiseux. Direct du bateau. Ouais. Ouais, c'est ça. Bateau à Halifax est arrivé là. Tiens, on le met sur le train, ça va être moins cher. Non, mais il y a peut-être une raison comme ça, mais c'est quand même bizarre parce que si ça passait par... Mais là, c'est une question de coût. On a eu beaucoup de coups de dose. Je vais faire un coup d'os. J'en ai parlé un petit peu dans les amateurs. Je suis allé à TweetAid hier, qui est organisé par un bonhomme sur Twitter qui s'appelle WikiJeff. Hyper sympathique, très gentil. Lui et sa copine qui travaille chez Action Tox. Et qui aide les jeunes à sortir en fait de leur dépendance à la drogue. Fait qu'on est allé dans un bar boire de l'alcool pour Rachel. C'était super people, il y avait plein de monde. Ils ont pris une photo de moi sur le tapis rouge. Ah, bon. Ouais, je sais pas, je vais recevoir ça à un moment donné de la gang de Yonk. C'était vraiment une super soirée. Fait que là, ils pensent même organiser une soirée pour WikiJeff pour le remercier de l'avoir organisé, qui est juste comme une autre raison pour sortir. Mais je me suis bien amusé, j'ai rencontré plein de monde super. Fait que l'année prochaine, quand ça va ressortir, je vous conseille de jeter un coup d'œil. Moi, je peux-tu donner un coup de chapeau à une entreprise concurrente à Apple? Oui. Je pourrais donner quand même Google qui font quand même des efforts de continuer d'offrir certains services sur iOS alors qu'ils développent quand même la plateforme Android. Ils sont pas obligés, mais ils font plus d'argent sur iOS. Oui, c'est sûr. Ouais. C'est sûr qu'il y a un intérêt en arrière, mais ça pourrait être retardé encore beaucoup plus longtemps que c'est là. Et c'est surtout pour le Hangout qui ont sorti. Qui est multiplateforme. Parce que là, les gens disent hey, « ça a l'air le fun FaceTime, mais moi j'ai un Android, ça marche pas. » Avec le Hangout, tu vas pouvoir peut-être te parler. Puis tu vois qu'ils mettent, commencent à faire des efforts. Ils installent leurs petites affaires. Oui, clairement. Ça, c'est quand les points vont se rattacher, ça risque de faire ça assez fort. Ils pourraient sortir des applications super minimalistes là, qui donnent juste accès à la base du service, mais c'est vraiment, les fonctionnalités sont... similaire à celle aux applications Android. Exact. Puis ça, ben quand même, je trouve que c'est quand même un effort louable. C'est sûr qu'il y a un intérêt en arrière, mais c'est le fun pareil parce que veut pas, on peut pas imposer des iPhones, mais des iOS à tout le monde. Faut pas qu'ils disparaissent de toute façon. Il faut qu'il y ait de la concurrence. Parce que c'est le troisième élément. Tu sais, t'as un gros behemoth comme Google, t'as un autre gros behemoth comme Apple. t'as des plateformes qui sont hyper légitimes comme les plateformes de BlackBerry, BlackBerry 10, qui est, t'sais, qui est pleine de bonnes idées qui vont se faire voler. Puis qui vont être mis dans les autres plateformes. Même chose avec, avec Windows Phone. Il faut que ces plateformes-là existent. Faut qu'il y ait un effort pour qu'il y ait... Faudrait qu'il y en ait qui fonctionnent pas juste comme ça. Il faudrait qu'il y en ait d'autres qui fonctionnent pas juste comme ça. Parce que il y en a qui disent, bon, c'est pas nécessairement s'asseoir sur leur laurier, mais c'est de dire, si j'ai pas plus d'efforts à faire que ça pour me retrouver encore en avant du peloton pour les 6 prochains mois, ben, je le ferai pas, tu sais. Puis c'est peut-être ça. Bon, malgré qu'il y a du monde là, qui s'imagine que le prochain iPhone va voler, ce qu'il ne fera pas, t'sais, ils se mettent les attentes très, très hautes. On arrive au téléphone, ils sont déçus. Écoute, c'est ça qu'ils peuvent faire technologiquement. Peut-être qu'ils auraient pu faire un peu plus. Peut-être qu'ils auraient pu avoir une petite chose de plus dans le téléphone, que ce soit du côté de Samsung, que ce soit du côté de Apple, mais ils ont pas à le faire, ces places, puis c'est à cause de la concurrence qu'ils... Ils n'ont pas nécessairement à le faire. Puis mon coup de 12 à moi, ce serait à Fido. Oh, bang! Oh, bang! Voilà. C'est Fido qui me charge depuis 3 mois, c'est tout nouveau, un paquet de SMS. Hein? On me dit que je faisais plein d'SMS, mais on n'était pas capable de me dire où. Okay. On ne veut pas nous donner des listes. Puis même, les nouvelles factures, là, ils ne détaillent plus rien. Hein. Ah, je ne sais pas. Sait plus, okay, qu'est-ce qu'on appelle ça? Là, tu as fait ça. Ça va te coûter tant. Là, tu rappelles, tu dis non, je ne les ai pas faites, ces SMS-là. J'ai utilisé juste e-message. À un moment donné, je reviens. Elle me revient, elle dit, ça se peut que les e-messages soient comme... Ça passe des fois comme des SMS. C'est vrai, mais il faut que ta bulle se transforme en vert. J'ai dit, ça c'est vrai si ma bulle est en vert. Ouais. Mais pas, moi c'est juste en bleu parce que tout le monde a des iPhones autour de moi ou des Macs. Je leur parle pas à ceux qui ont juste des... Fait que là, on me dit n'importe quoi. Oui. Et ça, on met ça crédité. OK. Mais à chaque mois de ce temps-ci... J'en vois tout ça. Fait que là, j'ai pris un nouveau forfait qui me coûte de toute façon moins cher. Ouais. Je vais avoir des SMS illimités. Mais ça, c'est plate parce qu'ils t'obligent à rentrer dans le SMS illimité parce que nanana, on va te charger ceux qui passeront pas sur l'iMessage. Même s'il n'y a plus personne qui utilise ça, des SMS. Ouais. Là, tout le monde, chaque plateforme a sa, son service. Si tu me dis que tu as fait des SMS, ouais, dis-moi lesquels puis où. Pis le problème, c'est que je ne sais pas si c'est parce qu'ils sont incompétents ou s'ils prennent les clients pour des cruches, ou les deux, tu sais, puis ce serait pire, là, mais c'est un peu plate de se faire remplir comme ça. T'appelles des fois, là, puis JM l'utilise, ben, tu sais, il se renseigne là, au coton, il appelle, puis là, il essaye de te remplir avec des niaiseries, puis t'es là, « Hey, c'est ça, je fais dans la vie, je répare tes gaffes, le monde, il m'appelle parce que tu leur as dit n'importe quoi, arrête. » Bon. Qu'est-ce qui se passe? Donne-moi le rabais, tu sais. Puis t'es obligé de le faire à chaque mois parce qu'eux autres, ils peuvent pas te dire. Si tu me dis où que j'ai appelé puis quel numéro de téléphone, tu me dis qui que j'ai appelé, à qui j'ai fait des SMS ou qui m'a écrit pour avoir ça. Puis d'autant plus, tu me dis, hey, si j'ai des SMS, j'ai peut-être une bébite, une cochonnerie dans mon, tu sais, quelqu'un qui le sait pas, le connaît pas, mais j'ai peut-être une bébite qui envoie des SMS ou... Tu le sais pas. Tu te dis, ben là, écoute... Ils te remplissent en te disant, t'as probablement une cochonnerie sur ton iPhone. Puis là, ben, tu viens aux amateurs puis tu demandes, « Hey, j'ai-tu un virus sur mon iPhone? » Puis là, non, c'est impossible. Non, c'est ça. T'as pas de... Puis ils n'ont pas été capables. Puis encore, j'ai reçu ma facture encore cette semaine. Jusqu'à la période où est-ce que je perds mon unanimité, la courte période... Il y a encore pour 10$ de SMS. Ben pour voyons. 10$. Ouais. Ouais. Les autres, c'était genre 30-40$ par mois de SMS. J'en fais jamais. Je fais rien que des e-messages. N'hésitez pas de téléphoner au service de votre fournisseur puis de leur dire, « Hey, moi, je les ai appelés à un moment donné, je venais de lire un titre. Genre, « Hey, ils font un rabais de telle affaire. » Là, je les appelle Rogers puis je fais comme, « Hey, ils font un rabais de telle affaire. » Puis là, je raccroche, ils me font le rabais de 5$ puis je fais comme, « À Sudbury? » Ah, bon, c'est pas grave. C'était comme juste un rabais spécial pour cette région-là. Mais c'est bizarre que tu parles d'un problème avec Fido cette semaine, parce que moi aussi, dans le courant des deux dernières semaines, j'ai eu comme ma première expérience négative avec le service à la clientèle de Fido. Mais tu vois que là, il y a une nouvelle facture. Moi, je pense qu'ils ont changé leur système de facturation. Il y a une nouvelle affaire. Puis il fait des affaires tout croche. Mais moi, c'était vraiment... C'est le même système que le métro de Montréal. c'était vraiment un employé. J'avais un crédit restant d'un de mes anciens contrats. Puis j'appelle pour savoir, parce qu'il y en a un autre qui avait expiré. Aussi, j'ai plein de vieux crédits encore sur mon compte. Puis l'employé se rend compte qu'il me reste un crédit de mon ancien contrat. Puis là, il me dit, je vais être obligé de vous l'enlever, monsieur. Je m'en suis rendu compte. Là, j'ai dit vraiment, qu'est-ce que tu es en train de me dire là? J'appelle... pour savoir pourquoi ça me coûte plus cher depuis deux mois, mais tu me dis que ça va me coûter encore plus cher. Mais ouais. Tu touches plus à rien, tu me passes ton superviseur, là, vraiment. Là, ils m'ont remis le crédit. Là, l'employé avait pas d'affaire à dire ça, là, mais non. C'est vraiment en 6 ans là, avec Fido, là, c'est la première fois que j'avais un service aussi mauvais là, que ça là, en appelant. Là. Peut-être est-ce qu'ils grossissent trop, est-ce qu'ils perdent le contrôle, est-ce qu'ils se ramassent avec les restants de Rogers là, que Rogers veut pas. Là, on... Mais c'est bizarre, mais moi j'ai pas de trouble avec Rogers, moi. Oui, ça me coûte mon 62$ par mois. Merci, bonsoir. Là. C'est comme. Tu sais, à un moment donné, ta facture, normalement, est 72-75$. À un moment donné, est 116$. Ah ouais, là, tu capotes. Là, tu dis, c'est quoi, là, j'ai fait du data supplémentaire. J'ai 6 gigs, ça se peut pas. Mm. Là, tu regardes, c'est des SMS. Mais je m'excuse, j'en fais jamais. Je fais rien que des e-messages. Mais oui. Ah, ben oui, ça se peut que des fois, les messages, en réalité, c'est un système, là, ça passe aussi des fois par comme des SMS, c'est ça qu'on me répond. Ouais, c'est ça. Hey, ah, il faut qu'ils s'authentifient par le SMS avant de bullshit. Ça n'a rien à voir avec ça. C'est du data, voling, les serveurs d'Apple, puis le téléphone de l'autre. Exactement. J'ai dit, les messages, ça passe par les serveurs d'Apple, ça passe même pas par chez vous. Puis elle me revient. Oui, on m'a dit, service technique, que ça passe par le réseau d'SMS. Non. C'est un déchet. Bon, assez de coups de dose, on a tiré tout ce qui bougeait autour. On passe aux nouvelles. Donc, nouvelles de dernière heure, vraiment, oui? Ce matin. Mm-hmm. Bon, nouvelle apparence pour le Apple Store en ligne. Plus de photos, moins de textes. Oh, la même mise en page que le Journal de Montréal? Ouais, ben c'est ça exactement. Ils ont fait la mise en page au complet. Ils ont fermé l'Apple Store cette nuit de je sais plus trop quelle heure. Puis quand ils l'ont réouvert à matin, il y a plus de photos, moins de textes. En plus, ils l'ont agrémenté pour la fête des pères qui s'en vient en juin. Je sais pas c'est quand la fête des pères. En juin, c'est ça. Fait que... Mais c'est ça. C'est juste un nouveau look. C'est pas pire. C'est beau. C'est correct. Mais c'est pas du garocher. J'ai vu qu'il y avait des articles qui parlaient de... Ça donne un indice sur ce que Apple pourrait vouloir faire pour le prochain OS. Peut-être aussi. J'espère qu'ils ne nous arriveront pas avec des tuiles parce que ça ressemble à des tuiles en tabarnouche. Ben, tu sais, ça se peut qu'il y ait avec des tuiles, mais eux autres, ils vont les avoir à coin rond. Là. Ouais, c'est juste ça. Côté de Microsoft, ils sont juste pas capables de le faire. BlackBerry Messenger, il y a eu quand même pas mal d'annonces. On a vu la Xbox One cette semaine, on a vu Google I/O et on a vu une conférence BlackBerry Live qui a eu lieu début de la semaine passée, si je me trompe pas. Et une annonce assez surprenante de BlackBerry Messenger qui est bientôt sur iOS. Donc, ils se rendent compte en fait que c'est ça, mais tous les joueurs vont faire leur plateforme de prédilection de chat. Multiplateforme, ça va être excellent pour l'utilisateur. Puis là, dites-vous pas, c'est le fun, je vais enfin pouvoir. Non. Tu l'installes, tu jases avec le monde qui sont sur BlackBerry si tu veux, puis tu continues à utiliser et Hangout, et Google Talk, et iMessage. C'est juste que tu vas en avoir une de plus, puis WhatsApp, puis tu sais, bon, t'as un compte de plus. C'est ça, mais ça risque d'être assez intéressant. Mais je sais pas s'ils vont mettre le BBM vidéo là-dessus. Je sais pas. Sûrement un peu. Ça m'étonnerait là, qu'ils rendent toutes les fonctionnalités de leur comme fonctionnalité exclusive là, vraiment là, à tous les utilisateurs. C'est vraiment c'est une des affaires qui les différencie de plus puis depuis le plus longtemps. Là, S'ils font ça, c'est comme une décision de Ned Stark, tant qu'à moi, le personnage dans Games of Thrones. Il prenait toujours les belles décisions, mais il est mort. Pour ceux qui n'ont pas fini la saison 1, il a fini par se faire tuer parce que toutes ses belles décisions l'amenaient vers. vers ça. Donc BlackBerry Messenger qui s'en vient. Donc je sais pas, est-ce que c'est si trippant que ça, BlackBerry Messenger, ou c'était, tu sais, c'est ce qu'il y a dans la tête de beaucoup de monde parce que c'est ce qu'il y avait de meilleur? Ben moi je pense que c'est plutôt parce que beaucoup d'entreprises ont commencé à migrer vers des iPhones ou d'autres plateformes. Ouais. Puis il y a encore des gens qui ont gardé leur BlackBerry, puis là il faut quand même que les employés de la même entreprise se parlent, puis ils ont comme pas le choix de donner une application dans les autres plateformes parce qu'ils ont quand même perdu des parts de marché, puis bon, des parts d'employés, puis il y en a qui ont des choix. Mm-hmm. Moi, je vais prendre un iPhone, moi, je prends Android, moi, je prends un BlackBerry. Fait que là, les entreprises, là, avant, ils veulent tu pouvais parler à beaucoup de monde avec BlackBerry Messenger. Ouais. Là, il y a beaucoup de monde qui ont migré, donc tu peux parler à moins de monde. Fait que ça reste que BlackBerry Messenger est moins pertinent qu'il l'était. Puis en le mettant en multiplateforme, ben, ils remettent BlackBerry Messenger un peu au goût du jour. Garde, tu peux parler avec tout le monde que tu veux. Fait que dans le fond, viens t'en donc sur BlackBerry pour les autres fonctionnalités qu'on a. C'est un lame à deux tranchants. C'est ça. J'ai hâte de voir comment les fournisseurs de services cellulaires vont réagir à ça, parce qu'ils vendent des options BlackBerry Messenger. C'est vrai, hein? Séparé, ouais. Comme pour 10$ par mois, ouais. Hein, tu peux avoir accès juste à BlackBerry Messenger. Ouais. Comment ils vont réagir quand chose Android là, va pouvoir l'avoir sur son téléphone avec son petit 500 MB de données? Check bien ça, tu vas appeler chez Fido. Ouais. Monsieur, on vous enlève votre crédit. Le BlackBerry Messenger, ça passe un peu par le SMS, fait que prends donc un forfait SMS. Puis là, attends, c'est ton iPhone, c'est peut-être data, mais je vais te rajouter quand même le BlackBerry Messenger Service à 10$ par mois. Hey, t'as 6 gigs pour 30$, c'est bien trop ça. Ouais. On va te recouper ça en trop. On va couper ça, mais on va vous donner BlackBerry Messenger en 10, plus. 10 gigs pour 50$. Ah si tes appels et que tu jappes assez fort, ils ont ça quelque part dans un fond de tiroir. Je ne suis jamais rendu à 6 gigs de toute façon. La journée qu'iOS 6 est sortie. Même 3. Pow! Ouais. Rumeurs. On n'en fait pas de rumeurs. On n'est pas supposé faire des rumeurs. On ne fait pas ça. On l'enlève. Pow! Surtout une rumeur d'un nouveau iPhone ou que iPhone... Ah, OK. Un nouveau Python. Le liquid metal, tu prêtes bien là-dessus. Oui. C'est utilisé pour une fucking affaire chez Apple. C'est la pin qui sert à ouvrir le tiroir. Et seulement sur des iPhones, parce que dans un iPad, ils te donnent une bobépine twistée. Ça fait un job. C'est même pas un liquid metal. Il n'y en a pas sur un iPad? Ben, il y a le tiroir, mais c'est pas la pin. Ah non? Non, c'est pas le tu peux pas t'acheter comme un iPad et dire « Ah, je vais les fondre puis me faire comme... » Le pire, c'est que quand tu le sais, c'est super unique ces affaires-là, mais le trois quarts du monde la perdent, cette affaire-là. Ouais, ils voient avec des trombones là, pour ouvrir. Ouais. Ouais, dans ma boîte, elle reste là, moi. Elle est dans ma boîte d'iPhone. Mais tu sais, c'est un métal de l'ère spatiale, là, tu sais, ça va tout révolutionner. C'est du métal qui rebondit, ça va tout régler les problèmes. C'est juste que ton téléphone va coûter deux fois le prix s'ils mettent un rim de ça autour. C'est ça. Fait qu'ils attendent juste en fait que le prix descende. Ça fait combien de temps qu'ils l'ont acheté, ça? Ah, ça fait 4 ans. Peut-être. Ça fait longtemps qu'on parle de ça. On parlait le podcast. Au début du podcast. Liquid Metal. Ah ouais. À chaque fois qu'il y a un nouveau modèle, ils vont peut-être le faire en liquid metal. Non. Non, là, c'est quoi? C'est en plastique. Là. Puis ils vont en faire un bas de gamme. La prochaine nouvelle, je pense qu'en fait, on en a parlé au dernier podcast, c'est les offres d'emploi qui laissent croire à une mise à jour majeure prochaine de iWork pour OS 6. On est trois. Voilà, on avait déjà parlé. Oui, on skip ça. Des changements majeurs à la politique du Apple Care feront leur apparition cet automne. Ça aussi, on en a déjà parlé. Non, c'est... Mais non, c'est des affaires qui ont été publiées dans les deux dernières semaines. Okay, on l'a pas fait. Mais ça, je l'ai pas lu. Va falloir que t'en parles. Moi, je l'ai pas lu. Qui lit les contrats? Les en fait, c'est assez important parce que jusqu'à maintenant, en fait, une garantie prolongée couvrait un ordinateur, était transférable. Mm-hmm. Et là, en fait, il va y avoir un changement. Ça va être que la garantie prolongée, quand tu vas l'acheter, elle va couvrir non pas la machine, elle va couvrir l'utilisateur. Donc, non transférable, sauf que ça va couvrir l'ensemble de tes produits, ou en tout cas, j'ai l'impression que ça risque de ressembler à ça. Oui, c'est ça qu'il disait. Là, ça va couvrir autant ton ordinateur que tes appareils iOS là, sur lesquels tu pourrais acheter un Apple Care séparé. Ça commence à coûter cher. T'as un Apple TV, t'as un Mac, t'as un iMac, t'as un iPhone, t'as un iPad. En fait, c'est un abonnement à une garantie prolongée que tu vas faire. Ils vont probablement diminuer le coût, mais comme ils risquent d'en vendre plus, ben à ce moment-là, ils sont gagnants. Parce que sur un iPhone, 100$, Je l'ai pris là, sur mon iPhone 5. Okay. Là, ça vaut la peine, je trouve, pour la facilité que tu as à, en deux ans, à briser ça. Ben, sur ton iPhone 5. Moi, ce qui s'est passé, c'est qu'avant d'acheter mon iPhone 5, là, trois semaines avant, j'ai échappé mon iPad à terre et j'ai été obligé de payer 250$ pour réparer l'écran. Ouais. Ouais, mais moi, je te dire mon truc que j'ai eu. Bon, ça, c'est pas l'original que j'ai acheté, c'est un autre. Quand j'ai été, il m'a dit: ah non, ta garantie est finie, t'as pas Apple Care, too bad. Mais je l'avais acheté avec une carte de crédit. Qui prolongeait la garantie d'un an. Mm-hmm. Et j'ai été entièrement remboursé du 250 plus taxes. Mm-hmm. T'aurais pas pu faire valoir la garantie légale là-dessus parce que c'était un bris de ta faute. Non, c'était pas un bris de ma faute. C'était le tray de la SIM à l'intérieur. Ah oui. Les contacts se faisaient plus ou quoi que ce soit. C'était un défaut de l'appareil. Ça aurait pu être. Ça aurait pu être la garantie légale à ce moment-là. Malheureusement, ma carte de crédit offre pas ce service-là. Là, mais... Commence à magasiner tes cartes de crédit. Capital One l'offre, je le sais, mais j'avais déjà regardé. Un peu toutes les cartes or. Ouais. Plus, ouais. On va revenir de toute façon. Un étudiant avec une carte or, ça existe. Ouais, les changements en fait qui vont être faits vont être établis. Un des autres changements. Étudiant au HEC, tu vas l'avoir. un des autres changements aussi, c'est que Apple ne fera plus l'échange systématique de téléphone en boutique. Ça va être habituellement une réparation. Ça m'énerve. Ça, c'est assez énervant. Moi, j'aime ça. Là, mon téléphone est brisé. Là, je vais au Apple Store. Là, j'attends 24 heures pour mon rendez-vous. Puis je ressors avec mon téléphone neuf. Je veux pas me dire: ah, mais tu vas être obligé de revenir dans deux jours. On va changer la batterie. Tu me gardes assez mon Mac quand je vais pour me faire réparer. Mm-hmm. Donne-moi mon téléphone. Là. J'en ai besoin. Ça, je suis pas sûr que c'est un excellent move de la part de Apple. On va voir de la façon que ça va être mis en place, que tout ça. S'ils font la réparation comme devant toi, OK. Mais s'ils gardent ton téléphone 24 heures, donc c'est un téléphone, ça marche pas. Là, mon ordi, je peux comprendre, c'est une pièce, faut que ta commande, faut qu'elle arrive, faut que ça. Les Apple Store, ils n'ont pas un immense entrepôt de service. Là. Est-ce que ça va ralentir le service des Mac aussi? Là? Moi, j'ai fait réparer la carte mère de mon Mac, là, puis ça a pris 36 heures à peu près, là, la réparation. Là. Mm-hmm. C'est très, très, très, très long, là, 36 heures, là, pas d'ordinateur. Là, non, tu trouves que c'est très long, mais écoute, tu fais réparer un HP, ça va te prendre 2 semaines. Ouais, mais... ça va. Toutes les autres marques, ça va te prendre plus de temps. Dell, faut que tu l'envoies là-bas, HP aussi. Ils te le réparent quand ça leur tente, puis ils te le renvoient. Écoute, il y a bien du monde qui tu sais, pas bien du monde, mais il y a certaines personnes qui se sont fait retourner leur ordinateur après un mois. Mm-hmm. Puis après 31 jours, là, tu peux faire une demande pour que l'excédent te soit redonné en prolongation de garantie. C'est-à-dire, si t'as attendu 31 jours, là, ben, il te redonne 31 jours de garantie. Fait que c'est pas à 12 ans, c'est pas à 12 mois, c'est à 13 mois ta garantie. T'as pas pu jouir de ta machine pendant un mois. Hey, un mois, j'apprends. si je débarque à Toronto, que je passe, je sais pas si... Il y en aurait du code 12. Non, on arracherait tout. Coup 12, coup 12. Ça, c'est une rumeur. Ah oui? Une autre rumeur? Ben oui, ça c'est une autre rumeur. Là. Intégration de Vimeo et de Flickr dans iOS 7. C'est des plateformes qui sont assez importantes. C'est bizarre, moi aussi j'ai trouvé ça bizarre quand j'ai vu ça aujourd'hui. Ben, Vimeo. Ben Vimeo. Flickr, 1 terabyte de photos. Hey, une chance que j'ai pas pris mon pro parce que. Ouais, c'est ça. Ils me l'ont chargé ce matin. Ouais, mais. Ils m'ont chargé 3 mois de Flickr Pro ce matin. Ils vont recevoir un bel appel là, demain. Là. Hey. Hey, lui, il passe ses journées au téléphone à chialer. Mais tu fais quelque chose comme ça alors que tu as une plateforme de trucs de photos, de photo sharing, ça me semble peu probable en fait comme rumeur. Là. C'est pas, c'est déjà, pas valable. Il est déjà sur Apple TV, Flickr, Vimeo aussi. Non, mais c'est parce qu'il y a déjà. Oui, ouais, mais ton compte gratuit de Flickr ou payant pour une coupe de gigs ou illimité, c'est correct. Mais là, 1 teraoctet, tu viens de créer une sale brèche dans PhotoStream. Là. Tu viens de dire, regarde comment ça se fait. Fait que la réponse de Apple ne peut être qu'une chose, c'est le iPhoto de iOS, le iPhoto de ton ordinateur, la bibliothèque provient du nuage, puis c'est toutes tes photos qui sont on enlève la limite de 1000. Il faut dire que Vimeo et Flickr sont déjà dans l'interface de Apple TV. C'est là qu'est le son, GF. C'est pas moi. Non, c'est là qu'est. Okay. Ça atteint le jaune, puis c'est correct. Yeah. Vimeo et Flickr sont déjà dans le Apple TV. C'est parmi deux. Mais l'intégration de ton compte, tu vas pouvoir faire share Vimeo, puis ça s'en va tout de suite. Ouais. Dans Flickr, tu peux même pas aller voir de photos privées. Il faut que tes photos soient publiques. C'est ouais. Ça. Tu peux même pas te connecter à ton compte. Mais ce que je veux dire, est-ce qu'ils veulent faire une espèce d'intégration des interfaces? Puis bon, que ce soit pareil sur ton Apple TV, que sur ton iPhone, que sur. Puis que là, tu as les mêmes fournisseurs. Qui, bon, je sais pas. C'est pas des plateformes assez grosses pour ça. T'sais. Après ça, ils vont rajouter quoi? Tumblr devrait être là avant Vimeo, tant qu'à moi. Ouais. Ouais. Tu sais? Mm-hmm. Là, oui. C'est Yahoo. Là. Ouais, là, ça passe. Flickr aussi, c'est Yahoo. Flickr aussi, c'est Yahoo. Je sais. Ouais. Fait que, en tout cas, ça, c'est un analyste qui veut se rendre intéressant. Mais au moins, ils nous ont donné un terrain. Ils nous ont donné. C'est un terabyte d'espace. Fait que cette semaine, c'est pas si pire quand même. Les ventes de Mac ne progressent pas en avril. Celles de iPod continuent à descendre. Le iPod est un appareil qui est en train de disparaître du marché. Là. Ouais. Mais écoute, je vois des enfants du secondaire dans le métro avec des iPhones. Oui. Ah ouais. Ils n'en veulent plus d'iPod. C'est un iPhone que je veux. Mais oui. Mais pourquoi parce que moi je comprends pourquoi un iPod avec ben non mais un nouveau iPod Touch non, avec gars, du 3G dedans ou avec du LTE. Si vraiment il y a un iPhone bas marché qui sort, il va être à peu près le prix d'un iPod actuellement. Ouais. Ça vaut-tu le coup d'avoir un iPod? Ouais, mais il sera pas ici. Il sortira pas ici, d'après moi. Ça va être dans les marchés émergents. Tu penses que ça va être dans les marchés émergents? Il va sortir dans les marchés émergents, puis il va être disponible indirectement ici, là, via eBay. Ben oui, c'est ça. C'est qui qui a sorti une vidéo d'un marché émergent, là? Un téléphone? Nokia? Samsung? Nokia, je pense. Il y a pas longtemps, tu sais, c'est comme... Qui c'est qui va faire un petit téléphone de 8 gigs bien cheapo? Là? Ben, pas cheapo, c'est, mais... C'est pas nécessairement cheapo. Quand Apple a voulu offrir un iPod moins cher qu'un iPod normal, ils ont sorti le mini. Ouais. C'était pas un iPod plus cheap. Il y avait des avantages et des désavantages que son grand frère les avait pas. Des fonctionnalités en moins. Aussi. C'est ça, des fonctionnalités. Ben oui, en moins ou, tu sais, peut-être moins d'espace, mais il est en flash, transporte, il y a des couleurs, bon... Des trucs comme ça. Quand ils ont voulu aller encore plus loin, ils ont sorti le iPod Nano, puis après ça, le iPod Shuffle. T'sais. Bon, puis le iPod Shuffle est pas un appareil en soi plus cheap qu'un iPod Touch. C'est un appareil sur lequel il y a moins de t'es le deuxième. Arrête de couper mon son. T'es le deuxième ici. Okay. C'est pas un appareil qui avait moins de fonctionnalités. Mais oui, il y avait moins de fonctionnalités, mais c'est un appareil qui était différent. Et tu l'utilisais, tu courais pas avec ton iPod classique. Non. Tu courais avec un iPod Shuffle que tu clippais à ta chemise. Ouais. Puis voilà. Donc, ils vont pas utiliser du plastique pour faire un téléphone plus cheap. C'est pas l'expérience que Apple veut faire. C'est pas la mentalité d'Apple non, de faire vraiment ça. Pas. Mais d'après moi, les proches, un moment donné, il n'aura plus de téléphone, là. Téléphone cellulaire, là, ça n'existera plus. Là. C'est qui utilise encore ça? Tu sais, je veux dire, avec tous les services qu'ils offrent, comme ici avec notre ligne téléphonique, là, Voice over IP, c'est un logiciel qui gère ça. Ben, tu vois, c'est drôle parce que quand j'ai offert l'iPad mini à ma blonde, je me suis dit, tiens, ça va être super, elle va pouvoir texter, tu le quittes. Puis là, à un moment donné, elle m'appelle puis elle fait, hey, je peux juste texter à du monde sur iPhone? Je dis, ouais, mais tu sais, le but c'était que toi et moi on communique. Fait que, qu'est-ce que ça te dérange? Tu veux parler à quelqu'un d'autre? Qui ça? Ouais, dis-moi son nom! Puis là, j'ai fait bon, OK, il y a un besoin de communication. Je dis, écoute, t'as Facebook, t'as tout le reste, tu peux le faire t'as par Skype, là. Skype, t'as FaceTime. C'est ça. Fait que ça, c'est une chose. Là, elle m'a parlé, elle dit, hey, je peux-tu téléphoner? Je dis, t'as Skype? Elle dit oui, mais comment je fais pour recevoir des appels? Puis en fait, c'est son cadeau de fête des mères. J'ai téléphoné à Jean-Michel, j'ai dit sette-moi un compte VoIP MS, Voice over IP. J'ai patenté ça sur son iPad. Puis là, elle peut recevoir et faire des appels qu'elle reçoit. J'ai donné une paire d'écouteurs, elle a le micro, tout le kit. Puis elle peut en faire. Elle a absolument pas besoin d'un téléphone. On passe par du voix sur IP. Ça coûte. Une demi-cent de minutes. Tu vois, j'ai eu cette conversation-là avec quelqu'un qui venait de voyage et qui me disait J'ai eu de la misère pour les cartes SIM, je ne comprenais pas trop. Puis là, moi, tout ce que je voulais, c'était un petit téléphone en cas d'urgence pour nous rejoindre. Mm-hmm. Mais quand tu t'en vas en montagne, quand tu t'en vas à des endroits qui n'ont pas le Wi-Fi ou de réseau, tu vas être quand même pogné. C'est là que les petits téléphones prépayés, tout ça, vont être utiles. Ouais. Il y a des gens qui ne veulent pas avoir toutes les fonctionnalités de web puis de data puis tout ça. Ce qu'ils veulent, c'est d'avoir un téléphone d'urgence ou être rejoint. Mais c'est de la foutaise, un téléphone d'urgence. Là. T'es dans les montagnes de l'Uruguay, là. Il n'y a personne qui va te téléphoner au 0-687-982-4257-321. En Europe, en France, là. Ouais. T'es en montagne, t'en as du réseau. Il en a partout. Bon. Partout, presque partout. Ouais, c'est ça. Les ondes. C'est comme si t'en as pas, t'es comme plus dans la marde que tu pensais. Là. C'est pas le téléphone qui va te sauver. C'est un Saint-Bernard. Non, mais généralement, la couverture est très, très bonne en Europe. OK. En général. Donc. D'avoir un téléphone, il y a des endroits que tu ne pourras pas avoir de réseau, puis bon. Mais quand même, à un moment donné, tu vas arriver dans un petit village et il va en avoir du réseau. Là. Mm. Mais des fois, ils n'ont pas de touche. Tu sais, c'est pas. T'as pas du Wi-Fi là, partout. Là. C'est sûr que bon. Là, c'est là que j'ai dit, ben pourquoi tu n'attendrais pas que. Oui, mais si je m'en vais en montagne puis que ou je m'en vais plus loin. Puis que je me blesse. Mais il n'y a rien qui va pogner là, de toute façon. Même un CB, ça ne pogne pas là. C'est comme. Mais pour revenir, en fait, aux ventes de Mac qui ne progressent pas en avril, parce qu'on est parti de là, ben de un, pour Apple, ils s'en foutent. Okay? Parce que le vaisseau amiral de Apple, pour l'instant, n'est plus le Mac. C'est un produit qui vend, ils vendent bien, ils font de la recherche et développement, continuent à l'améliorer. C'est le iPad, le produit amiral. Ils sont à l'époque et ils poussent. Ceux qui veulent les suivre. Ceux qui les suivent pas, comment ça s'appelle? Microsoft appelle ça l'ère PC Plus. Mm-hmm. Donc, une amélioration du PC. Apple dit non, le PC c'est mort, c'est le post-PC era pour la plupart des gens. La grosse galette de leurs revenus vient du iPad et du iPhone, c'est là-dessus qu'ils s'en vont. Que les ventes de Mac ne bougent pas pour le mois d'avril, quand on sait que les ventes de PC sont en train de se péter la gueule, ça veut dire que c'est pas mauvais pour Mac. C'est sûr, ils mettent Windows 8 dessus. Non, mais c'est vrai, ça a été, ils l'ont dit, c'est cette semaine, la semaine passée, j'ai vu ça passer. Ouais, mais il y a Windows Blue qui s'en vient. Ouais, sur 8.1, on s'entend. Ouais. Mais tu sais, ils l'ont dit la semaine passée, là, c'est le pire lancement de Windows. Là. C'est pire, ça a l'air que c'est pire que Vista. Oh, mais il y avait déjà des analystes qui avaient prévu le coup. Tu sais, ils avaient dit, regardez la tendance de Microsoft. T'as un bon système d'exploitation, l'autre d'après, il est pourri. C'est, le même, après, c'est bon. C'est le même après, depuis Windows 95. Exactement. Je comprends pas. Puis là, il avait prédit, je pense que Windows 8, ça sera peut-être pas terrible si la tendance se maintient. Puis effectivement, il y a beaucoup de gens qui reviennent à Windows 7. J'ai installé. Quand il est sorti Windows 8, je l'ai téléchargé. Mm-hmm. Puis tu sais, il y avait le programme de bêta là, qu'on pouvait aller chercher. Oui, c'est ça. Moi, c'est un autre bêta. Puis. C'est lui qu'on est allé chercher. Oui, c'est ça. Je l'ai installé sur l'ordinateur à Jason. Puis, genre, 2-3 semaines après, il me dit Chris. Ça de même, il dit Chris, remets-moi mon Windows 7. Là. Il dit ça presse. Là. Je dis c'est pas. Parce que c'est pas fait pour les ordinateurs Windows 8 là, avec les tuiles. Puis les. Mmh. Ça, c'est pour là, les tablettes. Oui, c'est ça. C'est fait pour les tablettes. C'est comme leur argument là, de tablette. Là, que tu vas pouvoir utiliser Office comme tu l'utilises au bureau. Tu vas pouvoir avoir tes icônes comme tes heures à ton bureau. Là, puis. Mais pourquoi je suis obligé d'acheter votre tablette qu'il y a, tu sais, oui, il y a des bonnes idées, là, mais il y a un paquet de défauts dans votre tablette. Pourquoi je suis obligé d'acheter votre système d'exploitation Windows 8 qui a des bonnes idées, mais qui a un paquet de défauts pour avoir votre vaisseau amiral à vous, qui est encore et toujours votre foutue suite de logiciels de bureautique. Tu sais, comme, on veut plus être au bureau, on veut faire d'autres choses avec notre ordinateur. On peut faire autre chose. Ouais. Google nous l'a montré, Apple nous l'a montré. Comme keep up with the program. Fait que qu'est-ce qu'ils font? Ils font Xbox, man. TV, TV, TV, sports, Call of Duty. Fait que, tu sais, pour Microsoft, en fait, un ordinateur peut pas être le fun. La partie le fun de Microsoft, ça s'appelle une Xbox. Mm. Ouais, puis l'Xbox One. D'après ce que j'ai lu, je pense même pas que ça va fonctionner, ça. Il y a ça fonctionne comme un Slingbox, donc ça va fonctionner. Moi, le En fait, je... Il y a plein de monde qui ont été déçus, en tout cas, du lancement. Oui, mais hier soir, là, il a demandé... Bouillet. Si vous a... Ben, Bouillet, il dit, si vous avez des questions à me poser, posez-moi-les, parce que j'ai des questions que je pourrais même pas vous répondre, parce qu'on ne sait pas. Tu sais, c'est comme... Comme on l'a vu. Oui, mais on l'a vu. Hein, c'est bon, c'est un deck. C'est comme Sony. Sony, leur lancement. Qu'est-ce qu'ils ont montré? La manette? Hey, c'était-tu plate dans le char? Ils ont montré la manette, ils ont montré les jeux. Mais c'est quand même, c'est ça que tu veux, les jeux. C'est ça que tu veux voir, tu sais. Oui. Tu veux voir, bon, elle va avoir l'air de quoi? D'abord, on a vu une photo, là, elle est dans tabarouette, cette console-là. Laquelle? Comme, la PS4 est pas belle. Tu sais, comme ah, si c'est ça que ça a l'air, là. Ouais, ouais. C'est fait un peu bizarre, il n'y a pas de look dedans, c'est pas très hot. On va continuer quand même, si ça ne vous dérange pas, à parler de Apple. Amazon Cloud Drive est lancé au Canada. Grande expansion de l'offre Amazon.ca depuis décembre. Parle-nous-en un peu plus, toi qui es un grand amateur. J'ai fait un coup de 12 sur Amazon au début. Ouais, je vais vous parler de leur nouveau service. Amazon Cloud Drive, c'est un système de stockage en ligne un peu à la Dropbox qui est offert aux États-Unis depuis l'année passée, là, finalement. Mm-hmm. Aux États-Unis, ce qu'il y a, c'est que ça l'intègre aussi un genre de lecteur de musique en ligne, là, Amazon Cloud Player, que ça s'appelle. Ça l'intègre d'autres services aussi qu'on n'a pas encore au Canada, mais qui vont probablement suivre. Oui, parce que Google s'en vient avec leur produit concurrent. Mm-hmm. Puis c'est surtout si on suit la tendance d'Amazon Canada là, qui offre de plus en plus de services qui étaient réservés aux États-Unis. Là, on a Prime maintenant depuis le mois de décembre. On a... Quel autre cas? Il y a la liste là-dedans. On a maintenant d'autres catégories de produits là, qui sont plus nécessairement d'électronique ou des livres. Là. C'était pas mal limité à ça avant. On a le Kindle qui est maintenant offert au Canada dans presque tous les modèles sauf le Kindle Fire. Oh. Puis on a l'application Amazon Mobile. Mais tu sais, tu cherches un produit dans Amazon.com, puis tu le cherches dans Amazon.ca, je vais l'acheter chez Amazon.com, va me coûter moins cher. Tu sais, ça pas il de les bon sens. Ils les livrent pas tous, par exemple. Ouais, la majorité qui livre au Canada vont revenir moins cher, même s'ils ont l'équivalent sur Amazon.ca. La seule affaire qu'il faut que tu te prennes en compte, c'est que ça va prendre une semaine et demie, là, t'as le faire livrer. Je les comprends pas. Ça, je comprends pas. C'est comme 9 to 5 Max, des fois, quand ils tweetent des choses, ils tweetent des... C'est parce qu'Amazon... Comment ils font pour avoir ça, eux autres, là-bas, si nous autres, on n'est pas capables... Aux États-Unis, là, les magasins ne sont plus capables de compétitionner avec Amazon. Là. Ici, au Canada, là, tu parles d'Amazon, puis à peu près 50% du temps, là, les personnes vont te regarder, c'est quoi ça, Amazon? De quoi tu parles? Puis il n'y a pas de compétition entre Amazon et les magasins. Mais aux États-Unis, les magasins Best Buy, ils sont quasiment plus capables de survivre à cause des bas prix qu'Amazon offre. Target a disparu pendant un bout, si je me trompe pas. Là, Target, ça n'a jamais été... Ouais. Au point de vue de l'électronique, j'achèterais pas d'électronique. Là, c'est un super magasin, là, mais c'est pas compétitif au point de vue électronique. Même c'est compétitif au point de vue d'autres choses. Même chez Walmart. Ouais. Les produits qu'ils vont vendre dans des magasins à bas prix comme ça, c'est des modèles bas de gamme. Ouais. C'est des modèles d'autres années ou c'est des marques. T'as plein de TV sur le mur, mais c'est toutes des marques maison, Vizio, affaires. C'est pas de Sony. Si t'as pas les moyens de t'acheter, bon, c'est sûr, une Samsung ou une Panasonic ou quoi que ce soit. Sony, c'est sûr que ça peut faire, tu sais, mais dis-toi que c'est pas. Qu'est-ce que tu vois quand tu vas aux États-Unis, là, tu vas chez Best Buy, là, puis tu vois du monde avec leur smartphone, avec leur application Amazon, qui intègre un scanner de code-barre. Là. Ouais. Tu prends le produit, tu vas voir la boîte, tu peux y toucher, puis tu scannes le code-barre. Oups, il est moins cher chez Best Buy, il est moins cher chez Amazon, là, de 35$. Là. Je vais le commander parce que, anyway, je suis membre Prime, je vais l'avoir dans deux jours, puis j'en ai pas besoin nécessairement tout de suite. Mais ouais, chez Future Shop, chez Best Buy, si tu leur montres. En tout cas, je l'ai fait une fois. Chez Best Buy, c'est peut-être un mauvais exemple. Ils vont essayer de matcher le prix. Mais ouais, pour j'ai toi. Essayé chez Staples, chez Bureau en gros ici. Ils n'ont jamais rien voulu savoir. Chez Walmart, ils ne veulent rien savoir. Ils ne sont pas encore prêts à matcher le prix d'Amazon, même si ce n'est pas au Canada une si grande différence. Aux États-Unis, Walmart ne le fait pas? J'ai jamais essayé aux États-Unis, mais ici au Canada, ils n'ont jamais rien voulu savoir. Mais tu sais, je cherchais un petit scanner là, pour des documents, pour faire du paperless. Je regardais un produit en particulier, puis je faisais une espèce de price grabber. Là. Ben, il y avait un site. Là, je parle juste du Canada, je ne compare même pas avec les États-Unis. Il y avait un site qui l'offrait à 239, chez Bureau en gros, 320$. Okay? Il commence à avoir une différence. Si je vais voir le Bureau en gros, puis je dis regarde, là, ton concurrent qui est un site en ligne, qui est un tel, qui est au Canada, tu es supposé de me le faire à ce prix-là. Penses-tu vraiment qu'il va me le faire? Parce que, écoute, là, c'est 80$ de différence. Mm-hmm. On va dire, regarde, t'es en bas de mon cas. Ben, c'est ça, c'est en bas de mon cas. Comment ça se fait que l'autre est capable de l'avoir 2,39 puis l'autre le fait à 3,19? C'est soit un lost leader, ça peut être du marché gris. Il peut avoir plusieurs raisons pourquoi le concurrent là. Moi, il y a quand même une chose, là, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de discussions qui se font sur Internet de gens qui vont aux États-Unis magasiner, qui, à un moment donné, c'est parce que, tu sais, il n'y a pas juste le fait qu'on tu sais, que les gens sont à la commission Charbonneau, puis que le kit, si les taxes sont pas payées ici, si les produits sont pas payés ici, c'est pas bon faire ça. Là. Moi, je vais magasiner aux États-Unis, j'y vais aux deux semaines, là, je ramène pour 250$ de stock à chaque fois, je déclare 250$ de stock à chaque fois, je déclare à la scène exactement ce que j'achète. Tu le déclares, c'est pas je passe, puis oh, je vais déclarer 50$ en espérant pas payer les taxes sur les produits électroniques que j'ai achetés. Les douaniers me font payer les taxes une fois sur 20 à peu près. Là. Ah ouais. Oui. Même sur si ce tu que le déclares. Je déclare à la scène, si j'ai acheté pour 226,48, je déclare 226,48, puis je suis capable de détailler exactement ce que j'ai acheté, puis je le fais. Mais on paye jamais les taxes, on paye jamais de droits d'importation. C'est bizarre. C'est pas parce que je veux pas les payer, les taxes. C'est sûr que moi, le but d'aller aux États-Unis, non, c'est de faire des économies. Tu le déclares, à un moment donné, si tu les charges pas, tu ne diras pas « Non, je veux payer les taxes, mes routes sont dégueulasses. » ça, c'est un peu bizarre. Puis il y a des sites qui t'offrent il y a des sites américains qui t'offrent le service de on va te s'occuper de tout ce qui est tax et duty. Amazon.com. Ouais, ou BH Photo. Ils font ce service-là, puis c'est raisonnable, c'est pas des gros. Ouais. C'est pas du 10-20$ comme chez DHL ou UPS. UPS qui charge pas de frais de courtage en douane pour les envois express, mais qui te charge des bond fees, là, qu'ils appellent des frais de pour avancer là, le paiement des taxes là, de 15$ là, maintenant, des frais de service. De service en guillemets, là, tu sais. Puis si tu veux pas le payer, tu viennes dans l'entrepôt de Ville-Saint-Laurent pour que tu puisses remplir toi-même le formulaire. Mais nous, on te le fait pour toi pour 15-20$. Et Eric, il a raison dans le chat. Il dit on est un peu en train de tuer l'économie nationale pour une différence de 10 à 30$, par exemple. C'est vrai, c'est OK, comme tu disais. Si on est en train de le faire pour 10 à 30$, c'est dangereux, mais. C'est très dangereux. Si tu sais magasiner, c'est pour plus que ça. C'est ça le problème. Oui, c'est ça l'affaire, c'est ça. Non, moi, pour 10 à 20$, je vais l'acheter ici. Ben oui, parce que moi, mon critère numéro un, généralement, en tout cas, moi, je suis un acheteur plus comme ça. C'est lui le produit que j'ai choisi, je veux l'avoir tout de suite. Oui. L'instantanéité. Mais je suis défenseur là, du magasinage aux États-Unis, là, puis vous viendrez magasiner aux États-Unis avec moi, là, juste pour essayer, là, je vais vous dire exactement là, ce qui revient moins cher, là, puis ce que vous devez acheter là, chez Target. Oui, ils ont fait un article d'ailleurs sur Lifehacker ou un autre site, là, il disait « ça, si tu l'achètes là », puis c'était comme des produits de consommation normale. Le Nutella, t'es mieux de l'acheter ici. Ben même Protégez-vous, je pense qu'ils en ont fait un article là-dessus. Qu'est-ce que vous devez acheter puis pas acheter? Il y a des choses que tu peux acheter aux États-Unis, tu payeras pas de taxes parce que si l'article est fabriqué aux États-Unis, il y a le libre-échange aussi qui rentre là-dedans. Tu payes pas de droits de douane. Puis tout ça. Fait que normalement, le produit, là, avec le libre-échange, le produit qui est fait aux États-Unis devrait être le même prix au Canada. Puis, mais on parle de magasins aux États-Unis, le monde qui font des détours, tu sais, t'habites à la colle ou je sais pas quoi, tu fais des détours pour aller acheter ton gaz aux États-Unis, là. Il a beau être moins cher, là, hostie, tu payes tes taxes pour la route que tu utilises, tu sais, j'ai un petit peu un problème, moi, c'est correct que tu sois à proximité, là. Mais quand ton gaz à la station-service... À la colle, il est 1,29, mais quand tu vas à Champlain, là, la station-service que tu vois là, des douanes, là, il te revient à 1,2 ton gaz, là, il y a un problème à quelque part. Ben, c'est pas financé de la même manière. Mais on parle des taxes depuis tout à l'heure. Apple, il y a une grosse histoire en ce moment, de Apple, on le voit sur tous les sites. Aux États-Unis, le Congrès a ouvert une discussion, une audition en fait, où il a invité, c'est pas un procès, on tient à le répéter, même si ça peut avoir des allures des fois. Et il y a déjà Microsoft et HP qui sont passés. Et en ce moment, en fait, Amazon est passé. Et là, c'est Tim Cook et Peter Oppenheimer et quelques autres grands bonzes de chez Apple qui sont allés, pour se faire entendre, sont allés de bonne foi. Ce qui ressort de là, c'est est-ce que Apple paye moins de taxes et a un système d'optimisation? Oui. Est-ce qu'il est bon? Crissement. Tu sais, comme on va appeler ça la twist irlandaise ou en tout cas le phénomène irlandais, mais eux autres, ils l'ont exploité à fond. Bien, ouais. Est-ce qu'ils sont d'accord? C'est drôle, mais il a dit non, je suis pas d'accord. Les règles sont comme ça. J'ai rien fait en dehors de la légalité. Tout ce que j'ai fait, tout est legit. Ouais. Maintenant, est-ce que ça devrait être comme ça? Probablement pas, mais les règles pour que je reprenne le cash de là-bas et que je les ramène ici font que c'est complètement ridicule. Donc, il dit, moi, je vous donne 6 milliards de dollars par année mm-hmm. actuellement. C'est les taxes sur les produits qui sont vendus par notre compagnie aux États-Unis. L'argent qui est dans Apple Operational International, qui est une compagnie en Irlande, qui paye... Il y a des trucs de nébuleux. Là. Pourquoi ils payent 2% de taxes mm-hmm. alors que les taxes là-bas sont supposées être de 12% pour les corporations? Ça, c'est à vérifier, mais ils le feront en Irlande. Maintenant, c'est pas illégal. Lui, il dit, moi, je paierais, au lieu de 35% de taxes, je paierais 20% ou quelque chose qui se rapproche de ça. Puis pour l'argent qui est fait à l'extérieur, je le ramènerai ici. Mais si vous me faites payer des taxes dans les 1 chiffre, c'est-à-dire de 1 à 9%. Puis probablement que si tu changes les lois puis que tu fais ça comme ça, tu vas avoir un capital qui va mieux circuler, de l'argent qui va plus rentrer aux États-Unis un peu. Tu sais, je sais pas, là, je suis vraiment pas financier. Est-ce que c'est une bonne idée? Apple est allé parler pour sa paroisse. Mais ce qu'ils ont dit, c'est que, écoute, les lois des taxes sont plus bien pensées pour l'ère numérique dans laquelle on vit. Fait qu'il faudrait qu'il y ait un truc. Puis les gars assis à la table, ils disaient, ben, c'est ça qu'on fait, tu sais, on est assis puis on vous demande de venir nous parler parce que nous autres, on doit prendre les trucs, mais c'est sûr qu'il faut vous poser les questions. Puis l'affaire, c'est que, parfait, c'est la bonne affaire à faire. Un des gars qui est là-dessus s'appelle John McCain, c'est un crétin, selon moi. Puis la première affaire qu'il a faite, il dit « Hey, monsieur Tim Cook, j'ai un iPhone dans les mains. Pourquoi faut toujours que je mette à jour mes applications? Pourquoi vous pouvez pas réparer ça? » Puis là, c'est ça, on a écouté la vidéo, puis on s'est dit « C'est lui qui est en train de prendre l'information pour réfléchir à des nouvelles lois sur l'impôt. » Écoute, ça commence mal, là, ton cerveau fonctionne. Il y a quelque chose qui ne catche pas. Là. C'est pas fort. Les compagnies, les grosses compagnies, puis un peu tout le monde, c'est dans le fond. T'as un système qui a été monté d'une façon. Mm-hmm. Oups, il y a une petite faille à quelque part. Ou comment que je ferais pour payer le moins d'impôts possible? Tout le monde le fait. Oui. Tous les crédits que je peux avoir. Ça ne veut pas dire que c'est correct, par exemple. Non, mais écoute. Si c'est le gouvernement qui dit « on vous offre des crédits de famille, des crédits de ci, de ça », ben gars, pourquoi que je les prendrais pas? Exact. Tu sais. Fait que je suis pas en dehors de la loi. Je les ai toutes utilisées. Tu sais, de toute façon, c'est même pas un choix que l'entreprise a là. Son but dans vie, son seul but, c'est de faire du cash. C'est ça. Le but d'une entreprise, c'est quoi? C'est de faire le plus d'argent possible. Exactement. Pour les actionnaires. Mais je suis pas là pour défendre les compagnies, puis bon. Mais... si c'est toi qui as fait ces lois-là, ou si tu sais qu'il y a une faille, corrige-la ta faille. Exact. Arrête de bitcher ses joueurs, bitch sur le jeu, gueule sur le jeu, puis change les règles du jeu. C'est toi qui peux le faire, voyons. Si tes règles sont pas bonnes. Si t'es travailleur autonome, la première affaire, tu vas voir ton comptable, dis « Hey, trouve-moi des façons que je paye le moins d'impôts possible. » Il va dire « Tu pourrais faire ci, tu pourrais faire ça. Ah, si tu faisais une petite affaire de même, tu pourrais faire telle affaire. » Fais tout ça. C'est ça le but. Tout est légal, mais... Puis, regarde, c'est légal aller magasiner aux États-Unis, tu sais. C'est pas... Tu sais, il y a un petit twist. Ça aide-tu nos routes? Ça aide-tu notre système de santé? C'est bon. Si, là, t'es un magasin ici, là, puis tu dis, « Hey, ça n'a pas d'allure, le monde s'en va magasiner. » Qu'est-ce que tu fais, toi, pour empêcher que les gens vont aux États-Unis? Ben, t'as deux choix, là. Soit que tu fais le même prix, puis que tu continues d'avoir ton air de bœuf, ou que tu donnes le meilleur fucking service que tu peux. Si les marchands canadiens se mettaient ensemble et qu'ils disaient aux compagnies, comment ça se fait que ton produit là, que tu vends aux États-Unis, aux marchands américains, ton markup, c'est ça, puis qu'ici au Canada, c'est ça. pourquoi là, ah, parce que vous êtes plus loin que le transport. Ah oui, Burlington, Plattsburgh, là, qui est à côté. Il n'est pas plus loin. Là. Ouais, tu vas pas me dire que ça va coûter 300$ de plus entre Burlington et Montréal. C'est là. Sûr. Mais les règles de ton camion, qui n'a pas le droit de peser tant, quand tu passes la frontière, quand tu fais ci, il doit être affrété autrement, il doit comment être ci, il doit être ça. Comment ça se fait que ton produit qui est fait au Canada, tu vas le vendre aux États-Unis moins cher que tu vas le vendre au Canada? Ça, c'est un problème. Du yogourt liberté, là, c'est fait ici, sur la rive sud. Là, c'est moins cher dans une épicerie à Plattsburgh que dans une épicerie ici à Montréal. Trouver l'erreur. Ouais. Mais c'est pas du dumping. C'est comme le lait. C'est comme le lait. Ouais. Pourquoi qu'un gallon de lait aux États-Unis, ben là, ça coûte 2,99$? Vient de où le lait, tu penses? Je viens de site, ouais, mais moi j'aurais tendance à dire que le conglomérat du lait au Québec est très, très, très puissant. Là. C'est, ben ouais, c'est sûr, avec leur beaucoup, annonce. Beaucoup, beaucoup d'argent. Oui, c'est pas si bon que ça de boire du lait dans la vie. Ben non, consommer du lait du Québec, là, ben moi, là, j'ai juste le goût d'aller rentrer dans le bureau avec là, mon gros galon de lait Great Value, là, avec l'étiquette anglophone, là, puis lui dire, regarde, j'ai payé ça 2$ ce jour-là, puis ici, pour 2$, j'ai même pas un petit 2 litres de lait qui est bon. Là. Mais tu vas pas à toutes les semaines faire ton épicerie là-bas non plus. Il y en a qui le font. Aux deux semaines. Puis aux deux semaines, je ramène là, le plus de produits laitiers possible. Je ramène de la viande. Je ramène des produits d'épicerie. Là, t'as le droit de traverser de la viande? Le droit de tout traverser. Là. À part là, des fleurs puis des affaires, là, vraiment. Là, la viande sous vide, tu peux l'enlever. Ah, ouais. La viande. Comme chez Walmart, le steak haché que j'ai vu l'autre jour, c'est rendu un genre d'affaire de ballonné. L'orange de Floride. Que tu as acheté ici, mais tu veux traverser aux États-Unis? Tu peux pas. Tu c'est vrai. Tu peux ramener une orange de Floride chez eux. Mais non, mais tu l'as ici, par exemple, chez Metro. C'est comme. Non, mais tu sais, tu l'as acheté chez Metro, l'orange de Floride, puis tu t'en vas aux États-Unis. Chris, à traverser, là. Tu peux la rentrer au Canada, mais tu peux pas prendre une orange de la Floride achetée chez IGA, puis tu peux pas la rentrer aux États-Unis. Tu peux pas rentrer aux États-Unis. Ben, je veux dire, ils vont. Tu sais, t'es en train d'en manger une, là. T'as des balles, là. Tu passes aux douanes. Le gars, il va faire quoi? Donne-moi ça, je mets ça dans la poubelle. C'est vrai? Oui. Wow! Faudrait faire une capsule de ça. Quelqu'un qui sneak une orange de la Floride chez eux. Il ne fera pas. Tiens, voici une poubelle. Il va t'envoyer à l'inspection secondaire. Il va te faire perdre 30 minutes de ton temps là, pour te faire mettre ton orange à poubelle. Mais aussi, pour être plus concret, plus smack, là, parce qu'on est rendu dans l'épicerie. Là. Tellement. Ton portable que tu amènes, là, le douanier peut dire, ton portable, tu l'amènes ici, puis il peut prendre tout ton contenu de ton disque dur. Il peut même te le saisir pour un mois. Ouais? Et sans aucune raison. Fait que quand vous traversez... Ne déclarez pas la guerre aux États-Unis d'Amérique. Non, même pas. T'as un laptop? Ça me tente de regarder ce que t'as dedans. Et je vais retourner chez nous. Salut. C'est pour ça que le cloud commence à être assez populaire. Tu mets juste un système d'exploitation dessus, puis tous tes documents sont à l'extérieur. Bonne idée. Ouais. Parlant de documents à l'extérieur... Je vais essayer de faire un segue ici parce qu'on est allé très loin. Google unifie le stockage à travers ses services Gmail, Drive et Google Plus. Partage maintenant 15 gigs de données. Ça commence à être intéressant. Avant Gmail, et puis Gmail avait 10 gigs. 10 gigs puis Drive, Google Plus, puis les autres se partageaient 5 gigs. Mais maintenant... On fusionne. C'est 15 gigs. C'est à l'avantage de quelqu'un là, qui a peut-être 1 gig d'email, mais qui voudrait mettre là, pour 14 gigs de photos là, sur son Drive. Là. Ben, moi, je te suggérerais d'ouvrir un compte Flickr et d'aller mettre ton Tera là-dessus. Il y a quand même quelque chose. C'est quand même un mouvement désespéré, mais un Tera d'informations donné c'est à... gros, là. Ouais, moi, j'ai vu un comparatif intéressant. Là, on parle de quantité de stockage, mais on parle pas de la vitesse de transfert. Et c'est Dropbox qui est le plus rapide. Et Google Drive est un des plus lents. Non, le plus rapide, c'est Mega, pas Mega Upload. Ben, dans l'article que moi j'ai Mega. Lu, celui qui, ben, peut-être qu'il avait pas, il avait pas regardé Mega là. Upload mais, Mega là, l'enfer. Mais les plus gros là dans Dropbox, il y avait Drive. Je pense qu'il y avait Sugar Box, SkyDrive là, sûrement. SkyDrive, SkyDrive était le plus lent. C'était le plus lent. Mais peut-être que là, tu sais, maintenant là, que ça commence à être populaire, là, 1 Tera ou bien illimité ou bien des grosses quantités, ça va peut-être être le prochain argument, là, la vitesse. Non, le prochain argument, c'est, on le voit là, dans les nouveaux routeurs ou les nouveaux NAS, là, c'est tu vas faire ton propre cloud chez toi. Ouais. OK, ouais. T'as déjà les applications et tout ça. Il y a une brique dans ma tête qui n'est pas encore placée. Là. le cloud, c'est pour mettre l'information à l'extérieur. Pourquoi je voudrais faire un cloud chez nous? C'est ça. Je comprends pas. Mais en fait, c'est pas tout à fait vrai. Il y a un produit de la scie qui est un disque dur que tu installes chez vous et tu dis, tu as un slider, puis tu dis, je veux 500, mettons, je t'achète un Tera, je veux 500 gigs du disque dur à ma disposition et je donne 500 gigs à la disposition du cloud. Donc, j'ai 500 gigs à, à ma disposition dans le cloud. Et en fait, ben, tu t'en vas chercher... Non, c'est sur le disque dur de d'autres mondes. Je suis comme pas sûr. Je sais pas comment c'est fait. Ben, écoute, est-ce que c'est des morceaux qui sont mis sur chacun des disques durs puis toi seul peux les recombiner? Ce qui serait intelligent, c'est que moi, j'achète ce produit-là puis on le partage, mettons, en deux, comme tu dis. Ouais. Puis que toi, tu fasses la même affaire. Puis toi, tu me donnes ton 500 puis moi, je te donne le tien. Parce que moi, mettons que... Ça, c'est parce que si je passe au feu, je veux dire, j'ai tout chez nous, je suis pas plus avancé. Mais c'est pour ça que le cloud, quand même, d'avoir une sécurité supplémentaire, d'avoir tes photos, toutes tes affaires précieuses, encryptées, puis tu les mets à l'extérieur de chez toi. BitTorrent vient de sortir un protocole, si je ne me trompe pas, pour faire une synchronisation à l'extérieur, justement. Tu pourrais me créer une partition sur ton disque dur. Oui. On installe le logiciel. Je dis, je veux que tel truc soit synchronisé. C'est envoyé chez vous. Je fais un peu la même chose chez nous. Puis on vient de se créer une espèce de réseau in the cloud ou en fait de redondance de données entre deux espaces ou plus. Là. Puis le X, c'est quoi encore? Notre fournisseur de données. Ben j'ai plus ce problème-là. J'ai téléphoné. Vous avez payé le 10$ pour illimité? Non, j'ai pas payé. Non, moi, de toute façon, je suis plus avec Vidéotron. Moi, je suis avec Distributel maintenant. Okay. Yes. Yes! Yes! Ils sont deux maintenant. Distributel est illimité. Il y a eu une promotion chez Vidéotron pour essayer de contrecarrer Bell qui commençait à l'offrir. Si tu as trois services, blablabla. Si tu es commercial chez Vidéotron, t'appelles, puis tu leur dis, puis ils vont te mettre illimité pour la période de ton contrat. Mais tu sais, la majorité du monde, là, ils vont prendre le forfait. Là, tu n'utilises pas la généralité du monde, là, l'illimité. Non, c'est ça. Ils ont de la misère à faire. Tu sais, je veux dire, c'est pas des power users comme nous quatre. Non. Il y en a qui vont utiliser limité. Ils vont faire là, 130 gigs là, de transfert par mois. Aller chercher des films. Ouais. Tu sais, quand t'as plus. Chercher des films, là, c'est plus illégal. Là. Je veux dire, moi, j'écoute un film par soir, mettons, sur iTunes que je loue. Là, je le paye, le film. Là. Ouais. Ben, je veux qu'il rentre chez nous. Tu sais, je veux qu'il rentre chez nous. Je veux pas avoir à être payé en plus parce que le film, oups, j'en ai loué un trop. Ça n'a pas rapport, là. Tu sais, c'est... Je l'ai déjà payé, le film. Tu me le distribues. C'est ta nouvelle façon de distribuer. T'as arrêté de payer du monde pour livrer des trucs, avoir des clubs vidéo. T'as pas rapport, là. Tu rentres le film chez nous, je te paye, ça arrive à la vitesse. Je te paye plus cher, ça arrive plus vite. That's it. Ça tombe pas mal. Sortez pas de chez vous, continuez à nous écouter. Donc, c'est ça qui devrait se passer. Puis, écoute, la prochaine nouvelle, c'est ça. Netflix Canada est prêt à faire compétition à tous ses compétiteurs canadiens. On vient de déclarer la guerre. Qui est en train d'en lancer un. En Ontario. Vidéotron. Arrête de refaire de la pub à eux autres. T'écris ben trop sur eux. Ouais, mais... Netflix encore, là. Tu l'as essayé, Vidéotron? Non, je l'ai pas essayé. Bon, va lire mon article à la place. Ouais, c'est ça, j'ai lu l'article déjà. Non, ça m'intéresse pas. Ça m'intéresse pas. Mais, pardon. Netflix, le gros défaut encore, c'est qu'il n'y a pas assez de francophones. Mais quand tu... Là, sont-ils en France déjà? Non. C'est juste Canada. Ils sont pas encore en France, mais ça s'en vient. Quand ils vont être en France, là, ça va devenir très intéressant. Mm. Parce que, veux, veux pas, il y a beaucoup de monde qui... T'sais, l'anglais, ils sont pas encore à l'aise. T'sais. Fait que il y a beaucoup de contenu. Il n'y en a pas beaucoup en français. Non. Puis faut-tu fouiller en maudit. Drôle parce que ce que je comprends pas, tu écoutes une saison de Caillou. J'ai des enfants, là, j'ai le droit d'écouter Caillou. Puis il y a comme 7 épisodes. Le 8e, il est en français. Tu sais pas pourquoi. Il a décidé, il le mettait en français. 8e, 9e, tu retombes en anglais. Puis t'es comme. The hell? Pourquoi il y a un épisode en français et que les autres sont en français? Mais c'est comme l'offre de Netflix est très intéressante de ce temps-ci. Là. Pour 7,99$, tu peux l'avoir sur deux plateformes différentes en même temps et 11,99$, quatre plateformes différentes. Ah, je savais pas ça. T'sais, mettons, moi je le prends à 11,99$ puis je te donne accès à mon compte Netflix. On paye à deux. Ah, à 12$, ça fait 6$, on sauve 2$. Tu sais? Fait qu'on l'a sur quatre machines, c'est pas pire, tu sais, à 11,99, c'est super, là, tu sais, essaie de trouver ça quelque part, toi, tu peux pas. Ben, l'offre de Vidéotron, c'est du contenu francophone, pas beaucoup, nécessairement, à 10$ par mois, quand même. C'est ça? Ouais, c'est 9,99 par mois. Là, faut-tu que tu sois fucking abonné à service? Non, ça doit être le CRTC qui leur a imposé ça, mais tu peux t'abonner juste à Club à volonté, mais il faut que tu téléphones au service à la clientèle. Puis on s'entend qu'ils doivent essayer de te vendre l'accès Internet qui va avec. Ouais, mais bien ça te prend le décodeur pour lui. Non, c'est tu peux aller directement sur le site Internet. Ouais. Ah, OK, sur le site Internet. Ouais. Moi, tu vas-tu écouter un film sur un site Internet? Non. Sur ton ordinateur? Puis surtout que la qualité est tellement médiocre là, sur le site Internet. Oui, c'est en flash. Là. En flash, c'est un petit carré, le gros main dans le milieu. C'est pas un film là-dessus, rien d'autre. Non. Moi, une affaire, par exemple, un produit de Vidéotron que j'ai commencé à consommer, puis c'est LibTV. LibTV, en fait. C'est une plateforme qui a été montée par du monde. Ben ils ont tagué Patrick Huard là-dessus, qui est un bon humoriste connu. Puis c'est pas mal de monde, c'est pas mal d'humoristes de la relève qui sont là-dessus et qui peuvent expérimenter. Il y a du budget qui est donné pour leur truc. Il y a un truc avec Adib Al-Qaïdé et puis Stéphane Roy qui s'appelle Avec un gun ou quelque chose comme ça, c'est fucked up, là. C'est faux. La brigadière, là. Je me souviens pas. La brigadière, c'est-tu dans la TV, ça? J'ai regardé Anne Ovule. C'est avec Eve Landry qui cherche un chum juste pour procréer. Ah, OK. C'est assez drôle. Je me suis tapé. En tout cas, je me suis tapé pas mal de séries là-dessus assez rapidement. D'après moi, si on veut partir dans le passé, là, c'est à soir. Ouais. Mais je pense que là, 8 miles à l'heure. Il est quand même rendu minuit 23. On sera en train de faire un marathon. Parce que... ouais. On va continuer à avancer rapidement pour les différents trucs. Découvertes? Dans les notes du show, on va le mettre, là, mais c'est un article, là, on n'en parlera pas parce que c'est très long. C'est un article qui est sorti. Puis c'est tout ce que Internet demande à Apple pour qu'il soit heureux. Fait qu'il y a 50 demandes différentes sur le nouveau iPhone, iOS. Puis, tu sais, c'est des trucs les plus de base. Là. Un système pour aller toggler off and on les trucs. Ça serait le fun. C'est un truc qui est beaucoup utilisé en jailbreak, tout ça. Ouais. Puis, c'est sûr que Apple, en faisant ça, va dire. Ouais, ben c'est sûr que il y a mieux mettre leur énergie à optimiser le mieux possible l'utilisation de la batterie avec Sion, mais s'ils mettaient ça serait de dire ben on a un petit peu échoué. Bref, en tout cas, vous irez voir les 50 demandes, elles sont assez intéressantes, puis ça va donner de la bouffe pour l'esprit pour le 10 juin. Mise à jour de iTunes qui a eu lieu cette semaine à 11.03, amélioration du mini-player, de pas grand-chose. Je trouvais ça très drôle parce que ça s'est fait la journée après que je suis allé au podcast de Crapule. Ça faisait longtemps que j'étais pas allé. Et c'est un épisode où est-ce que moi, Dan Delorme puis moi, on était là. Crapule, ça faisait longtemps qu'il n'avait pas pété de coche. Il a pété une coche sur iTunes. Mais over, là, comme... Ah ouais? Moi, l'écouter. Oui, ben, tu sais, comme... Ça vaut pas la peine, iTunes, de péter une couche de même pour lui. Il était tanné. Puis le lendemain, c'est comme... Ah ouais, t'aimes pas problèmes. Ça que t'ouvres iTunes puis que ça met à jour? Check ça, une nouvelle mise à jour. Ah ouais, puis là, faut que tu redémarres ton ordinateur. Sur Windows, c'est ça l'affaire. C'est ça qui est con. Si tu fais la mise à jour, faut que tu redémarres ton ordinateur. Ouais, c'est pas de la faute d'iTunes. Non, je sais bien. Ben, c'est en tout cas. Ben oui, parce que... Ben oui, c'est dans la ligne de commande de l'installateur d'Apple. De redémarrer. Ben oui. Oui, mais non, il redémarre pas iTunes. Non, il redémarre l'ordinateur, par exemple. Non. Oui, l'installateur iTunes redémarre l'ordinateur. C'est un point, mais si ça redémarre pas... J'ai une ancienne version d'iTunes que j'installe sur un ordinateur que j'ai déjà installé sur un ordinateur de mon travail, juste avec le fichier Windows Installer, puis ça redémarre pas là, sur Windows XP. Ben, en tout cas, moi, je l'ai installé sur PC, mais Mac... Non, pas sur Mac. Non, moi, je parle sur PC. C'est pas nécessaire. Oui. On a parlé de Google Play Music All Access. Non, on n'en a pas parlé, mais ça s'en vient. On devait en parler. Oui. Donc, Google présente la nouvelle version de son service Maps et annonce une version de son application iOS pour iPad. C'est vrai qu'on n'avait pas de Maps sur iOS, c'est intéressant. Ben, puis la version web maintenant de Maps va intégrer comme des fonctionnalités de Google Earth. Là, finalement, ça va zoom out, ça va vraiment être la Terre comme dans Google Earth. C'est très beau, hein? C'est malade. Il n'y a plus de barre blanche sur le côté, il n'y a plus de barre blanche en haut, c'est vraiment juste une carte. Tu l'as-tu essayé, non? Moi, j'ai demandé d'essayer, j'ai pas encore eu. Non, moi, je l'ai eu le lendemain, moi. Non, le lendemain, je l'ai eu. Fait que c'est super. Même regarder juste la Terre tourner, là, parce que quand tu dézoomes, tu vois la Terre, tu peux la bouger, tu vois les fuseaux horaires, c'est vraiment beau. Va dans Google Map Maker, là, tu as un aperçu de l'interface, tu vois toutes les fonctionnalités, là, mais l'interface. Puis là, tu vois la Terre, puis là, à un moment donné, t'entends. Ground Control, Main to Town. Chanté par Chris Hadfield. Ouais, ouais, c'est ça. C'était hot, ça! Ouais, c'était cool. Le gars, il a réussi à remettre l'espace au goût du jour. Ouais, il a vraiment fait ça. Les Américains sont jaloux de nous autres. Ben, il y a du monde qui ont gueulé. Il y a des espèces de sociologues qui ont fait « Oh non, ils ne devraient pas gaspiller leur temps à faire telle affaire. » Ben, ils l'ont pas gaspillé. Ils ont comme pété un record de nombre d'expériences qu'ils ont eu le temps de faire dans l'espace. Fait que ta gueule, puis on est comme super contents qu'ils soient allés. Moi je le veux comme prochain Jack Layton, ce gars-là. Il a déjà la moustache. Oui, il a déjà la moustache. Exactement. On en parle beaucoup depuis le début du podcast. Mise à jour majeure de Flickr, nouvelle interface et 1 teraoctet, on le répète, de stockage gratuit. Puis, one more thing, on a acheté Tumblr. Fait qu'on essaye de redevenir pertinent. Yahoo. Il va sûrement être intégré, là. Flickr, Tumblr, là, c'est comme l'évidence. Il y a eu une désertion majeure aussi de plusieurs blogs vers WordPress. Président de WordPress, il dit, d'habitude, on a à peu près, je sais pas combien de lignes, je sais pas les chiffres exacts, là. Parce que Yahoo a acheté, il y a bien du monde qui ont sacré leur camp de Tumblr. Oui. Tabarouette, OK. Oui. Il n'était pas d'accord avec ça. Mais il faut dire aussi que Tumblr, là, il y a beaucoup de sites. Ben, moi, Tumblr, je connais ça comme plus pour une plateforme alternative que du contenu là-dessus qui ne serait jamais publié ailleurs. Ouais, non, mais c'est ça, parce qu'il y a une section cachée. Il y a une section cachée de Tumblr, hein, que vous cherchez, là, puis... Bon, on ferme le show. Il y a un dark side. Un dark side of Tumblr. Il y a deux petites portes battantes. Ouais, exactement. C'est un peu comme Wikipédia, là, tu commences à quelque part, mais tu finis ailleurs. Ouais, c'est ça. Sur Tumblr, c'est vraiment ailleurs. C'est parce que les autres, ils ont vraiment fait les blog rolls. C'est vraiment à côté, à droite, là, t'as tous les sites associés. Mais des fois, à un moment donné, tu passes par là, par un vers un autre, puis à un moment donné, tu te retrouves. Tu te dis, donc, comment j'ai fait pour retrouver ici? c'est drôle. Mais effectivement, il y a beaucoup, beaucoup de monde qui sont passés chez WordPress. La prochaine nouvelle est à propos de Google, fait qu'on va la sauter. L'autre, en fait, le 50 milliards d'applications a été atteint, messieurs. Et si vous avez essayé de participer, too bad pour vous, parce que comme d'habitude, les concours d'Apple qui sont c'est pas planétaire, là, mais c'était il y avait beaucoup de monde c'est impliqué. C'est ouvert au monde entier, sauf le Québec. Sauf le Québec. Voilà. Donc, c'est un Américain, évidemment, qui a gagné la carte cadeau de 10 000 $ en téléchargeant Say the Same Thing, qui est une application pour enfants. Et une des choses intéressantes, c'est que les 50 suivants, après le 50 milliardième, se voyaient offrir une carte de 500 $ trompe pas, pour l'iTunes Store. Ça doit être cool de voir dans ton compte iTunes, en haut à droite, 10 000 $. Ça doit être pas pire. Moi, j'avais 100$ dans le temps des fêtes. Là, puis, Moi, avec, j'avais 100$. Mais tu sais, si l'application qu'il a téléchargée, c'est Say the Same Things, parce que les importantes, il les a comme déjà. Puis là, 10 000$, il va être obligé de te claquer ça sur des. C'est comme un ado. Il doit avoir comme. Il a fait une interview à la chaîne ABC locale, où c'est qu'il reste. Puis il a dit j'ai attendu à ce soir-là pour télécharger mes applications pour avoir plus de chances. Puis. Et qu'il savait que c'était à peu près tel soir. Mm-hmm. Mm-hmm. Ouais, ben sur les sites, ça se parlait. Mais tu sais, c'est comme un billet de loterie. Hein, ben c'est ça. C'est comme. 50. Tu es sur le site, tu le regardes aller. C'est ça. Ok, maintenant. À 10 000 piastres, là, je m'excuse. Tu achètes Final Cut Pro, puis t'achètes... Il y a le Mac App Store aussi. Tu sais, le logiciel d'architecte. AutoCAD. T'achètes AutoCAD. T'hésites plus pendant 3 semaines avant d'acheter Tweetbot à cause qu'il est 20 piastres. Ou l'autre là, qui est super cher, là, je pense que c'est pour les fils RSS. Parlant de Tweetbot au TweetAid hier, j'étais là. Tu utilises encore Twitter? Mais qu'est-ce que je devrais utiliser, tu sais, comme... C'est tout du monde comme important sur Twitter, tu sais, ou whatever. Mais quoi, qu'est-ce que je devrais utiliser? Ah, je suis pas dans le vent, c'est... Quoi? Qu'est-ce que j'ai pas entendu parler? Ben, c'est Tweetbot, man. Puis là, t'étais deux à côté de l'autre, là, tu regardais... T'as pas Tweetbot. Man, si j'avais comme une pièce à chaque fois que j'ai dit à quelqu'un utilise Tweetbot puis que je l'aurais faite, la pièce, j'en ai. Mais existe pas sur PC? Non. Mise à jour majeure du système d'éclairage Hue de Philips. C'est un système d'éclairage en fait, que vous pouvez acheter. C'est 200$. C'est une belle expérimentation, un peu chère. C'est un système de contrôle. À partir d'un appareil iOS ou. Moi, je sais pas si c'est compatible Android. Là, mais... Complètement inutile chez nous. C'est rien que des encastrés qu'on a. Ah, ben oui, ça marche pas. Ben oui, ça marche pas. Mais non. Effectivement. Faut que tu habites dans le coin d'ici du plateau du Myland pour avoir des vieilles bâtisses de 1900 tranquille. Tu le plugs, tu l'ouvres, ça fait gzzz. Ouais, ouais. Ah, shit. Mon ampoule à 75$. C'est une ampoule au LED, ouais. LED, et elle est capable, en fait, de. Changer de couleur. Puis il est possible rapidement de faire différentes ambiances avec ces ampoules-là. C'est intéressant. C'est cher. Quand tu vois chez Métaux Renault Dépôt puis tes voies, là. C'est quoi, en fait? Je l'ai vu. Chez Apple Store. Il y a du géofencing qui a été rajouté et des alertes visuelles, c'est ça? C'est ça, oui. Le géofencing. Le géofencing, finalement. Finalement, oui. Quand tu arrives chez vous, tu peux contrôler. Ça contrôlera automatiquement là, les ampoules. Ça changera de couleur. Il sent que tu t'en viens, fait qu'il change la couleur. Un peu comme les reminders, là, que ça t'envoie un reminder quand tu arrives proche de l'épicerie, là, finalement. Ah, ouais. Quand c'est ton plus vieux, c'est la lumière jaune. Puis là, tu es averti sur ton application. Ah! Mais Kim pourrait être intéressée à quelque chose comme ça. Elle a un système chez eux qui. Malentendant. Exactement, qui flash. Quand on sonne, par exemple, mais avec ces ampoules-là, en fait, quand elle a ces... c'est ça, on voulait faire un party, il y a quelqu'un qu'on a mis à la sonnette la soirée. Elle pourrait avoir, par exemple, les lumières, puis comme il y a des alertes visuelles, tu reçois un email, ben ça blink rouge. Tu sais, ça fait comme « tung tung », ça revient, ça blink rouge. Mm-hmm. Tu reçois telle autre alerte ou whatever, ben tu le mets bleu. Il y a un truc qui rentre dans ton VIP, tu peux le mettre d'une autre couleur. Fait que ça serait pas mal intéressant qu'on se cotisera puis on y achètera ça. Ouais, mais c'est ça. Non, c'est... On se cotisera avec tous les auditeurs de Mac Québec. On est combien? 3 connectés, là? Il y en a 6 qui nous écoutent encore à minuit et demi soir. Merci beaucoup. Ouais. Moi, je suis sûr qu'ils dorment tous sur leur clavier. Ils ont juste laissé. Je vais les encourager. C'est sûr. Bon. En fait, ils sont couchés depuis 2 heures. Hey, sinon, on veut rentrer à la maison, là. On s'en va. Prochain rendez-vous, 5 juin. Non, on va garder nos forces. Pas s'écœurer trop avant, parce que ça paraît pas, mais c'est quand. Pas trop c'est quand non plus. Ouais, c'est ça. On en a fait un moment donné comme à. On n'était plus capable. On a fait l'attente. On a fait le gros événement, l'attente en ligne, puis le podcast normal. On était écœuré de la pomme. On l'avait dans la gorge. Fait que on va prendre un break le 5 juin prochain. S'il n'y a pas d'annonce intéressante au WWDC, on aura des nouvelles de quoi parler. Ouais, exactement. On aura un 5 jours de plus de nouvelles. De toute façon, on a une ligne ouverte. Là. Le monde, on va prendre des lignes ouvertes après la conférence. On rappelle le numéro de téléphone, le 1-877-561. 2-3. Attends, je vais mettre un pro là-dessus. Vous pouvez joindre l'équipe du podcast Mac Québec par courriel podcast@macquebec.com, par Twitter @MacQuébec ou sur la boîte vocale au 1-877-561-2357. Johnny va avoir du montage à faire, il va pas nous aimer. Je pense qu'il va couper comme toutes les passes de IGA qu'on a parlé, de tout le kit. Non, je trouve pas ça correct. OK. Bon, 2h30 quand même, 2h15. Ben, il y a 2 semaines pour faire le montage, de toute façon. Mais ça fait un peu long, mais on le postera comme ça. Sinon, messieurs, où est-ce qu'on peut vous retrouver sur les internets, Jean-François? Moi, on peut me retrouver sur Twitter, @GFroy1979. Excellent. Jean-Michel? On peut me retrouver sur Twitter @JM_Boily, ou sinon on peut me retrouver sur les différentes parties du site MacQuébec, surtout MacQuébec Entraide. Si jamais vous avez une question, je vais essayer d'y répondre. Et moi, je suis sur Twitter @CyBernard. Vous pouvez me rejoindre à cet endroit. Bien content que tu sois venu nous rejoindre. Tu vas être aussi des nôtres le 10 juin. Le 10 juin. Excellent. On le maître d'orchestre. Ben oui, on monte l'équipe d'élite. On va chercher. Je voulais faire. J'avais comme idée, parce que souvent j'ai des idées en tête. Je t'en avais déjà parlé. Je voulais faire un film, tu sais. Puis une bande-annonce de film, en fait. Puis en cinématographie, ça s'appelle un build-up ou quelque chose. La meilleure passe de ça, c'est dans Armageddon quand ils disent va chercher mes dudes. Puis il y a comme Michael Clark Duncan sur une moto qui a comme le FBI au complet qui court après. Puis il fait fuck you! Finalement, ils réussissent à l'arrêter. Puis en fait, ils font son crew. Et je voulais que la passe où on dit ben Bernard revient, on refasse la passe parce que Django Unchained, mais ça aurait été Bernard Unchained. Fait qu'il lâche sa couverture. Il a pas été là pendant longtemps. Tu crées quelque chose, puis t'as des cicatrices dans le dos, puis genre, tu fais un gros plan sur Bernard. Il dit, je vais être là le 10 juin. WWDC. Oh, ça va être malade. Donc, pour ma part, en fait, vous pouvez me retrouver sur Twitter au Alex Cornelier. Et si vous étiez au Rachel hier, vous pouviez me retrouver au TweetAid. Et je vous encourage fortement à suivre cet événement-là. Vous faire un petit Google Alert. Ah non, c'est vrai, ça va mourir, ça avait. J'ai pas hâte au 1er juillet, moi, là. Mais, ouais, c'est ça. Non, toi, tu déménages, puis quand tu vas arriver à ta nouvelle maison, tu passes par Reader. Il y a Google Checkout aussi qui disparaît. Ah ouais? Oui, Google Checkout, ils mettent la hache là-dedans, ça va devenir maintenant Google Wallet. Wallet, okay. Mais c'est pas tout à fait le même produit. Puis il y a comme plein de monde là, qui ont poussé à être avec Checkout. Ben oui, Dean va broyer sa mère en temps. Il est là-dessus à fond. Il est payé avec des bitcoins. Oui, c'est ça. Parfait. Ben écoutez, on se retrouve le 10 juin la prochaine fois. J'espère que vous avez apprécié le show. C'est un lundi. On essaie que ce soit quelque chose de gros. Là. On va arriver sur le plat bonheur. Un peu trop grosse bouchée. Ouais, la journée d'avant, tu veux dire? Ouais, on va coucher ici. C'est ce qu'on va faire. Ben là, on est bien parti pour ça, en tout cas. On est dans une bonne nuit, tout le monde. Bye. Au revoir. Bye. Thank you.